vivre et créer à la montagne. Vivre et créer à la montagne. Donc ce soir, émission culturelle comme d'habitude, mais encore plus culturelle, enfin, c'est toujours l'habitude, de toute façon, hors des habitudes, jusqu'à minuit. Au programme, le théâtre du peuple, et puis le théâtre du peuple, et puis le théâtre du peuple. Débutons. Théâtre du peuple, car beaucoup d'actualités se déroulent là-bas, mais aussi, je donnerai un mot malgré tout mérité à toute cette florescence artistique théâtrale qui a lieu partout et dont je rendrai compte aussi, mais plus tard, parce que là, j'ai plein de trucs, de témoignages du théâtre avec tout ce qui s'y passe. C'est quand même très important. Numériquement et qualitativement, bien sûr. Mais le reste, c'est presque injuste pour le reste auquel il faudrait consacrer très beaucoup de phares. Se consacrerait néanmoins des coups de loupiote aux autres activités culturelles et théâtrales de la région en prélude de cette émission. Belle tarentelle des musiciens de la vallée des lacs, un vieux vinyle qui craque bien, mais qui craque bien à l'oreille. Voilà, eh bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment ailleurs qu'à Busson? Ben, beaucoup de choses. Il s'est passé le château de Hans, dont je voulais vous parler déjà il y a 15 jours, et Busson a aussi, et puis une autre actualité, qui est d'ailleurs intéressante, c'est l'exposition sur les Vosges sauvages de Raphaël Parmentier qui se déroule jusqu'à la fin du mois d'août à la médiathèque du Thio. Allez-y, dans les heures d'ouverture de la médiathèque, il suffit de savoir quand elle est ouverte, elle est souvent ouverte. Voilà, du Thio, les Vosges sauvages. Alors on a parlé de ça, je voulais parler il y a 15 jours du château de Hans par les valeureuses jolies mômes, la troupe de Louise Fauté, qui ont remis au goût du jour un château de Hans, très revisité. Le château de Hans, je le rappelle, c'est une des pièces, peut-être même la pièce emblématique de Maurice Potier de Busson. Ça nous ramène aussi à Busson, de toute façon, ça se centre quand même sur cet esprit de Busson, là, hein, c'est sûr, ça rayonne. Et le château de Hans, c'était quand même chouette. Ça se rejouera la fin du mois, nous l'a dit Louise. Dans la plaine, eh ben oui, ça va être bientôt, il va falloir guetter ça, et j'ai pas les horaires encore. C'est toujours un peu loin d'ici, mais on est allé les voir à Contrex, mais ça valait le coup. Et puis on les reverra sûrement plus tard, parce que Louise, c'est un secret, tant pis, cela ne nous regarde pas, mais je le dis quand même, n'est pas disponible au mois de septembre, car elle est un peu ronde, disons, pour une heureuse échéance. Félicitations, Louise. Mais elle pourra pas jouer. Or, elle joue la tante Kibi, qui est un des personnages clés, centraux du château de Hans, un peu un vis-à-vis de Hans. Une pièce bien émouvante, bien, qui reprend aussi l'essentiel du message de Maurice Potser, l'amour a vaincu la haine. Voilà, voilà ce qu'on retient du château de Hans notamment. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous parlerai pas aujourd'hui, je pourrai pas, j'aurai pas le temps avec le théâtre du peuple. Je vous parlerai de juste pour mention de ce qui s'est passé la semaine dernière, à Fontenoy-le-Château, où c'était la remise du prix Matenet. Et là, François Matenet, ça fait 50 ans qu'il a lancé l'Union des écrivains vosgiens, et il y a un prix qui le célèbre, et ce prix chaque année est décerné, et ça donne lieu à des belles manifestations. J'aurais dû porter le disque, là, j'ai découvert une chanteuse australienne, Lucie Galland, magnifique, sur tous les plans, et une chanteuse extraordinaire, tous les timbres de voix. Elle était là, à ce Fontenoy-le-Château, il y a 8 jours, il y aura 8 jours demain, et c'est Vanina Crex, une artiste émérite qui met en scène tout ça, qui essaie de booster un petit peu depuis 2 ans, cette fête qui était traditionnelle, mais à laquelle on participe. Nous, on y a fait un parcours dans le tour du Vieux Fontenoy, au bord du Connet, au bord de la tour des Lombards, tout ça, c'était beau, au Lampion, et avec le musicien Michel Gélini, pour ne pas le nommer, toujours là. Voilà, on a fait ça. Maintenant, on parlera. C'était un événement, il y avait des tas de choses, un Stabat-Mater en particulier, assez étrange dans l'église, électronique. Bon, puis d'autres choses, voilà. Très, très créative. Alors, ça, c'était il y a 8 jours. Demain, à Vittel, le 11, ben oui, le 11, c'est demain, on fait... on refait ce qu'on a fait en novembre, une réédition des lectures en espace, si je peux dire, enfin des lectures, avec surtout un concert de quatuor à cordes, avec notamment pour les gens du coin, Jean-Claude Lusson au violon, et Catherine Calais au violon aussi, c'est des cordes forcément, donc il y a des violoncelles, il y a Hélène Schneider, et puis la quatrième... voilà, je me rappellerai. Mangeot, excusez-moi, si je ne me rappelle plus exactement, ça ne lui enlève rien à son talent. Et demain, à 15h30, à Ternalire, on fait une lecture de Jean Potser, texte encore de Maurice Potser, mais ça, décidément, tout tourne quand même autour de, en ce moment, de ça, de ce théâtre, du souvenir de Maurice Potser, et il a écrit un livre en 1924 à l'honneur de son fils. Alors il y avait eu une petite forme il y a 3 ans, magnifique, d'ailleurs, un de nos méchants, mais c'était plutôt sur l'histoire de Jean, et là ça sera bien sûr l'histoire de Jean, mais aussi sa pensée, à travers le livre même et les écrits de Maurice Potser. Ça c'est demain, à 15h30. Peut-être qu'on le refera plus tard, c'est probable même à l'automne, pour les 100 ans de la mort de Jean Potser, qui était un héros pacifiste, mort sur le front en portant secours à un blessé dans la Somme. Il y a un monument, et pour ramener à Buisson, un monument juste à côté du Théâtre du Peuple, un petit monument qui rappelle le souvenir de Jean, apôtre qui a donné sa vie, sorte d'apôtre qui a donné sa vie pour l'humanité et pour la paix future. Mort très jeune, puisqu'il était né en 1896, et que là, il est mort en 1918. Voilà, bon, ça c'est demain. Et la semaine prochaine, j'organise encore, enfin avec d'autres, mais notamment, la fête du ballon, au Ballon d'Alsace, et là... c'est une fête artisanale, il y a beaucoup de monde qui vient pour acheter des confitures, des myrtilles, des saucissons, etc. Mais, et des saucissons interrégionaux, puisque c'est Franche-Comté, Alsace et Lorraine, là-haut, mais nous on fait aussi les arts croisés au sommet, et on y accueille notamment des écrivains, avec l'Union des écrivains vosgiens, qui organise, alors... je vais pas citer tous les écrivains, il y en a pas mal. Il y a Jean-Louis Hans qui vient de sortir son dernier roman, et il est du coin, il est de Saint-Nabord, lui. Il y a Stéphanelli qui monte avec ses livres régionaux d'occasion. Il y a Alain Bérard qui fait de l'Heroic Fantasy. Un autre, Jean Viriot également, un Vosgien également, dans le même domaine. Esteban, je ne m'en rappelle plus, monsieur s'appelle Esteban. Il vient de s'inscrire et il est de Mirecourt, il fait de l'Heroic Fantasy aussi. J'en oublie pas, Katia Lambert qui fait de la poésie et Olivier Vicario qui fait des livres de nature. Oui, il y en a d'autres qui viennent de Nancy aussi, un peu plus loin, qui sont moins connus ici. Mais venez les découvrir au Ballon d'Alsace à partir de 10h du matin jusqu'à 18h le soir avec l'association Recrée aussi, bien sûr. C'est Recrée demain d'ailleurs et c'est Recrée qui lit les lectures de Maurice Potcher, de Jean Potcher. Et donc, il y aura des musiciens au Ballon d'Alsace, comme d'habitude. Il y aura Michel Génini, il y aura Michael Gérard à l'épinette, Michel Génini au chant, Jean-Claude Dusson au violon, et puis sûrement François Fété, parce que tout ça, c'est les copains d'abord, comme on les appelle, et d'autres qui sont invités, qui viennent souvent du printemps de la chanson qu'anime notre cher François Fété. Voilà. Et puis, peut-être son frère, d'ailleurs, qui est excellent, qui viendra peut-être, Pierre Fété. Et donc, voilà, tout ça, une ambiance heureuse. Et avec des artistes plastiques, avec le surréaliste Vincent Terrier de la Chaise, dont les œuvres décoiffent et qu'il faut regarder assis, d'ailleurs, Terrier de la Chaise. Et puis, il y aura... Le facteur cheval des Hautes-Vosges, c'est notre ami Marcel Montémont de Romanchamp. Il y aura Pascal Desgranges qui croquera les gens avec ses fusains, qui croquera les visages des gens. Et puis peut-être bien d'autres plasticiens qui monteront. Voilà. Et ça dans une ambiance festive tout le dimanche là-bas. Je parle de tout ce qui n'est encore pas le Théâtre du Peuple, parce que je vais en parler beaucoup du Théâtre du Peuple, et c'est normal. Il y a eu tellement de choses depuis un mois, le 14 début de la saison, mais il y a encore la fin de la saison, la deuxième partie de la saison, et donc j'en parlerai, mais il y a aussi, là où malheureusement je me sens un peu coupable, je n'ai pas encore été les voir, et pourtant c'est génial, c'est une sorte de théâtre du peuple originel, si je peux dire, c'est le plateau ivre. Alors le plateau ivre, je vais quand même dire qu'il faut y aller. Hein. Ce soir c'est trop tard. De toute façon ce soir il n'y a pas. Mais demain il y a les six flingues, 3 fois 20 minutes, avec 3 épisodes, 15h, 16h30 et 18h, compagnie des Rotules Effrénées de Bruxelles, Western de rue. Une fratrie de bandits traîne ses Santiago dans le désert en manque de braquage. Voilà, triptyque pavé d'humour, mime, bruitage, histoire rocambolesque. Voilà, c'est à voir. Et puis, il y a aussi, il y a ça notamment, et puis le musée des monstres sacrés du rock entre ces séquences. Demain, et ce soir, et demain soir à 20h, soirée vinyle. Voilà, avec les frères Rock et Billy, propriétaires du célèbre musée du rock, invite à une soirée vinyle rock and suite. Samedi 18 août, c'est dommage qu'ils jouent quand même que les samedis et dimanches. Ah si, les vendredis des fois, mais les vendredis, là c'est pas. Alors, je donne tout le restant de la saison là, parce qu'il faut y aller au plateau, il faut les soutenir, c'est merveilleux aussi là-bas ce qu'ils font. Alors, de 17h à 19h, samedi 18 août. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me rappelle aussi au Théâtre du Peuple, vous verrez tout à l'heure, qu'un des comédiens de Littoral, la pièce centre du Théâtre du Peuple, ce comédien qui s'appelle, je vous trouverai son nom, mais je l'ai interviewé, il a été recruté par Simon Delétang, l'actuel directeur, il a été recruté au Plateau Ivre. Simon est allé le voir au Plateau Ivre, il a trouvé génial cet acteur, et il fait partie d'une compagnie de Metz, et je vais essayer de vous trouver son nom. Si je ne le trouve pas, je vous trouverai d'ici la fin de l'émission. C'est Richard Mangou. Il fait un rôle dans Littoral, remarquable. Et il a été, lui, repéré l'année dernière au Plateau Ivre, justement. Il fait partie d'une compagnie de Metz. Vous écouterez son interview tout à l'heure dans tous les interviews que j'ai, j'en ai au moins un paquet. Voilà, mais c'est intéressant. Alors, samedi 18 août, atelier théâtre de 18 à 19h, improvisation théâtrale avec la compagnie Lobos de Nancy. Ça, c'est à 17h à 19h. À 20h30, Love and Money, toujours la compagnie Lobos. Lorsque l'amour est un produit, l'argent est une valeur. Une course effrénée vers la réussite. Love and Money s'amuse à disséquer ses convictions. Voilà. Et le soir, du 23 au 25 août, pardon, atelier chorégraphique, ça c'est autre chose. C'est un spectacle avec des séances d'atelier et renseignements et inscriptions à Le Patois Ivre, www.lepatoisivre.com. Voilà. C'est noté, vous l'avez noté. Alors, le 25 août, il faut déjà en parler, parce que ça va arriver, plus vite qu'on ne croit, soirée de clôture de saison, 17h, cirque en paysage. Alors là, il faut, c'est un total, il faut réserver, c'est 18 euros, soirée, 18, entre 18 et 16 euros, suivant, hein, suivant votre tête, mais non, suivant que vous êtes adhérent au plateau ivre ou pas, soirée complète sur réservation. Alors, ça dépend si vous êtes un enfant aussi ou si vous êtes grand, petit. 17h, cirque en paysage par la compagnie Underclos de Nancy. Une grande table posée au milieu de nulle part plante le décor. Si elle bouge, si elle s'incline, c'est tout un monde qui bascule. Le spectateur est parachuté dans un vin d'honneur, oula, bucolique, jusqu'à ce que le ton change, un chemin ponctué de situations incongrues. Waouh. Déséquilibriste, philosophériste, voilà, danseuse, etc. Et à 20h30, les Strange Ladies, concert original hybride. Une bande de filles, un projet original et décoiffant. Le chaînon manquant, attendu de nombreuses années, entre un cabaret berlinois inédit, les Raincoats, les Prétendeurs, Tap, Epi, Arts, Beers, Jeanne Moreau, voire Brigitte Fontaine, Dino. Dino, c'est Dino qui écrit ça. C'est à voir, ça, vraiment, il faut y aller, il faut pas le rater. Et c'est au 06 75 96 40 78, les réservations. Attendez, il y aura pas, peut-être pas beaucoup de place. Alors, ils ont eu de la chance avec l'été qu'il y a eu, il a fait très beau, et je pense qu'ils ont eu beaucoup de monde. Bravo, et je t'assurerai au moins d'y aller une fois, j'essaie chaque fois d'y aller deux, et là, il y a tellement de choses à Bussan que voilà, le temps passe vite, que, on est tout le temps pris à Bussan, dont je vais parler de Bussan. Mais avant, je vous passe de la musique qui a rapport avec Bussan, puisqu'il s'agit de Passio, Il Conte dell'Anima, qui est un groupe de polyphonie italienne, qui encadrait le magnifique chœur de départ, qui démarre dans le littoral, et il y a eu un stage, bon, j'avais enregistré aussi à l'église, il y avait des rendus, on a même chanté un peu un chant corse, Dio vi salvi Regina, avec l'animatrice, dehors devant l'église, c'était magnifique, enfin on a essayé que ça soit magnifique, enfin moi, elle c'était beau. Voilà, et ben un petit bout de Passione di Barcellona, pas entier parce que ça fait 7 minutes 30 et on n'a pas le temps, on fera qu'un petit bout. Yeah. Voilà, magnifique. Et donc, on va rentrer en plein dans ce milieu de saison qui annonce déjà la fin de saison, bientôt déjà, du Théâtre du Peuple. Alors ce soir, mais je vais d'abord vous dire ce qui va urger au Théâtre du Peuple aussi, dans les dates. Alors dans les dates du Théâtre du Peuple, il faut se dépêcher, et moi-même, je serai attrapé, parce que il y a les Molières, tous les mardis, mercredis, jeudi et vendredi, avec l'école des femmes le mardi, le mercredi c'est Tartuffe, le jeudi c'est Don Juan, comme hier soir, et le vendredi, comme maintenant, c'est Misanthrope. Alors, il y a les 4 à l'affilée, les samedis, mais le 18, le 11 et le 18. Mais le 18, après c'est fini, ils s'en vont. Le théâtre du Point du Jour qui fait à quatrième vitesse, vous le verrez d'ailleurs, les Molières s'en va, et après il n'y aura plus qu'une semaine, et pendant cette semaine là il y a encore des choses, bien sûr. Il y a notamment Littoral qu'il ne faut pas rater. Littoral, il y a encore quelques représentations, bien sûr. Là, je vous le recommande, vous allez entendre toutes les réactions sur Littoral, mais aussi sur les Molières. Alors, on va voyager à travers tout à l'heure. Je vais vous donner un aperçu, un coup de phare sur tout ça. Mais avant, j'annonce déjà, parce que ma prochaine émission, vu que j'alterne avec le bon François maintenant, j'ai tous les 15 jours seulement, si je peux dire. Bon, c'est déjà bien. Mais dans 15 jours, ça sera déjà le... Oh là là, mon Dieu, c'est pas la rentrée quand même. C'est pas l'automne, non, c'est le 24 août. Quelque chose comme ça. Et le 26, c'est la fin de saison totale. Avec, bon, le 25, c'est la dernière de Littoral, à 15h. Auparavant, d'ailleurs, je vous parlerai des impromptus. Et qui sont gratuits, d'ailleurs, à 13h. Je vous en parlerai un petit peu. Et à 18h30, non, le samedi, le dimanche à 18h30, c'est le bal littéraire. Je vous en parle déjà parce que il faut sûrement réserver ses places. Cette fin de saison est particulière. D'habitude, les années d'avant, c'était avec l'époque de Vincent Goethals, d'ailleurs, on avait une fin de saison qui était marquée par un concert. Intéressant, souvent d'ailleurs, avec beaucoup de monde. Là, ça serait une formule que Simon de l'Étang appelle le bal littéraire. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de retrouver dans le programme, vous en donner une idée, parce qu'il faut réserver, c'est sûr. Il n'y aura peut-être plus de place, moi j'ai déjà réservé ma place, attention. Hein. Donc, le bal littéraire, où il est le bal littéraire? Tumulte, ça c'est à l'automne. Et biographie, ça c'est en ce moment. Le bal littéraire, voilà. Avec Marion Aubert, auteur, Fabrice Melchior, Magali Mougel, qu'on a vu d'ailleurs, on entendra un petit peu tout à l'heure dans les échos des rencontres auteurs amateurs qui ont eu lieu le 27, 28 et 29 juillet. Il y aura donc Eddy Pallaro et Pauline Peyrade qui étaient aussi également aux rencontres auteurs amateurs. Alors qu'est-ce que c'est que... Pour clôturer donc la saison d'été, la grande salle du Théâtre du Peuple déchausse ses bancs afin de créer un espace de bal, un temps festif durant lequel 5 auteurs se réunissent et écrivent in situ une pièce à plusieurs mains. Les scènes sont lues le soir par les auteurs eux-mêmes devant le parquet de bal, et entre chaque scène sera diffusé un morceau musical en lien avec le texte sur lequel tout le monde est invité à danser. Alors en fait, apparemment, ils vont inventer une histoire dans la journée, si je comprends bien. Les 4 ou 5 écrivains écrivent. Règle du jeu, texte et chanson alternant. Alors voilà, chaque auteur dispose de quelques heures pour écrire 2 épisodes sur 8. C'est une histoire à 8 épisodes. Mais peut-être plus, parce qu'ils sont 5 là. Bon. Peut-être 10. Règle du jeu, texte et chanson alternant. Chaque texte doit se terminer par le titre du morceau qui suit parmi les 8 titres retenus. va finir ton texte avec Billie Jean, va finir ton texte avec la Macarena. C'est en général à ce moment-là que les auteurs se demandent pourquoi ils ont accepté de participer à un truc pareil. Et le soir, le théâtre Amstramgram est transformé, les spectateurs sont en piste sous la boule à facettes, les auteurs sont sous les projecteurs, ils livrent à plusieurs voix cette histoire écrite à 8 mains, peut-être 10 si je comprends bien, hein, dans un temps record pour ce bal littéraire unique. Les spectateurs danseurs sont invités à écouter sagement chaque texte, puis à danser follement sur chaque morceau, pas le contraire. Alors, bienvenue au bal, voilà, c'est réservation déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans la saison, ben, il y a les impromptus, qui eux sont tout à fait gratuits, qui remplacent un peu les petites formes qu'il y avait avant, les années d'avant. Les impromptus, ben, j'en ai vu un tout à l'heure, c'est dans le cadre des cartes blanches données aux acteurs de Littoral. C'était tout à l'heure Michel Lautré qui nous lisait, parce qu'elle le savait quasiment par cœur, qui a interprété un magnifique texte, le Stabat Mater, encore lui, de Jean-Pierre Siméon, lequel était venu au Théâtre du Peuple en 2014, hein, je me rappelle. Et il était venu au début des journées au Théâtre Amateur, des journées citoyennes, comme les appelait Jacques Ralit, qui sera évoqué d'ailleurs. Jacques Ralit, qui est décédé, comme vous le savez, auquel un hommage a été donné dans le cadre justement de ces impromptus le 29 juillet. Mais qu'est-ce qui reste comme impromptu ? Ça vaut la peine, c'est à 13h. Bon, ça se passe près de la tombe, pas loin de la tombe de Maurice Pocher, dans un nouvel espace naturel. Jusqu'à présent, il a fait beau. Un nouvel espace naturel qui est où on écoute sous les arbres, dans la clairière aux abeilles, on écoute des textes, des évocations. Par exemple, c'est les jeudis, vendredis et dimanches. Et ben là, par exemple, aujourd'hui, c'était, donc je vous l'ai dit, Michel Lautré, dimanche 12 août, lecture du Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, un projet d'alphabétisation de Angelica Lidl. Jeudi 16 août, lecture de texte de Maurice Pocher, qui les a déjà lus Simon de l'Étang le 15 juillet en ouverture. Vendredi 17 août, carte blanche aux comédiennes et comédiens du spectacle, les Molières de Vitesse. Cette fois-ci, c'est les Molières, avant qu'ils ne partent. Le 18. Dimanche 19 août, lecture de La Grande Ours de Penda Diouf. Mais là, vous serez au ballon, peut-être, vous ne pourrez pas y aller. Hein. Enfin, on pourrait aller aux deux. Hein. 23 août, carte blanche aux comédiennes et comédiens de Littoral, à nouveau. Et 25 août, lecture de la mission de Heiner Müller. Et 26 août, projection du spectacle Le Brame des Biches de Marion Aubert. Ceci avant le bal littéraire. Le Brame des Biches, qui a été une pièce clé écrite sur la région d'ailleurs. J'avais un peu participé par le prêt de documents sur les ouvriers textiles, et ça avait créé bien émulsion. Est-ce que Marion Aubert avait été fidèle à l'histoire, peut-être elle a écrit ça de façon très fantaisiste, elle a quand même repris des éléments historiques. Voilà, bon, je sais que Pierre Pellot avait trouvé que le sort de la classe ouvrière n'était pas forcément ce qu'il aurait fallu, mais bon, ceci étant, c'était un très beau spectacle. Voilà. D'autres disent qu'au contraire, Marion Aubert a bien été fidèle à l'esprit de ses ouvriers, des Hauts-de-Vosges. Voilà. Ouf, eh bien, il y en a des choses. Et pour commencer, je vais vous ramener à Littoral. Encore un extrait. Et on va voir. Alors, on va aller au week-end. On va revenir. Il y a déjà presque 15 jours, comme le temps passe. Au week-end des acteurs, des auteurs amateurs, auteurs et amateurs. C'est une chose qui a été créée il y a 10 ans. On en parlera tout à l'heure aussi. Alors, il y aura, quelle va être la soirée ? Ben, je vous le dis tout de suite, jusqu'à minuit hein, quand même. Hein. Il y aura Littoral, les réactions sur Littoral qui continuent, avec notamment les réactions des stagiaires de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur, qui étaient donc en stage il y a 15 jours, et dont on entendra enfin un écho des textes qui ont été écrits et lus sur la scène du théâtre le 28 juillet. Alors, on aura donc ça, Littoral, et les réactions surtout prises parmi les spectateurs de Littoral, les spectateurs de la FNCTA, enfin, de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur, bon, qui a pris en charge les journées auto-amateurs qui ont été créées par Pierre Guillois il y a 10 ans, hein. Un peu sur la demande des troupes amateurs de la région, quand même, qui avaient envie de plus de contact avec le théâtre du peuple. Et nous aurons donc Littoral, les réactions sur Littoral. Et puis beaucoup de réactions sur Littoral. Et puis, tiens, j'aurai un petit écho sur Lens. Bon, il y a 15 jours, je vous avais passé, je pense, encore un extrait de Lens, me semble-t-il. J'y reviendrai sur Lens, parce que ça continue et ça continuera l'année prochaine. C'est une magnifique pièce, one-man show, si je peux dire, de Simon Delétang. J'en parle à peine, parce qu'on ne peut plus y aller, c'est que les dimanches soirs, et c'est comble, c'est dans la petite salle qu'on appelle la salle Camille Potcher, Camille de Saint-Maurice, Camille Potcher, dite Tante Cam, et ça se passe donc dans ce là, mais il refera ce parcours qu'il a fait dans les Vosges jusqu'à Aubure, jusqu'à Waldbacre, là en Alsace, et ça avait commencé donc au mois d'avril. C'était quelque chose de magnifique. Tous les jours, Simon partait dans la montagne. Et il refera ce parcours systématique, je pense, au printemps 19. Alors, c'est une pièce qu'on reverra. Ceux qui n'auront pas pu la voir. Et c'est dommage. Mais, moi je l'aurais bien revu. Mais il n'y a plus de place. Encore qu'on peut attendre devant la salle, voir si jamais il y a une défection le dimanche soir. Sait-on jamais. J'irai peut-être à 8h. Et donc on va écouter une réaction sur Lens, mais assez courte. Et puis après, on reviendra, on ira sur les Molières. Le Tartuffe, le Misanthrope. Hier, j'ai vu Don Juan, j'ai pas eu le temps de faire un montage. Bon, j'ai vu les trois, les quatre. Et je vous rappelle qu'il faut se dépêcher de les voir, parce qu'eux, ils partent juste après le 15 août. Les jeunes punk, si on peut dire, du Molière punk, comme on l'a dit. Enfin, je vous reporte aussi d'ailleurs l'article de Sabine Le Sur aujourd'hui, qui dit tout, dans les réactions du public aussi, sur cette aventure assez étonnante, qui est quand même complémentaire de Littoral, de Wajdi Mouawad, mais dans un esprit tout à fait différent. Enfin, ça donne une saison qui est contrastée de ce fait-là. Alors, on parlera du Tartuffe, du Misanthrope, et puis, in fine, je reviendrai sur les rencontres auto amateurs, si j'ai le temps, parce que tout seul le temps passe, et là j'ai déjà fait une demi-heure rien qu'à causant, là. Et c'est pas intéressant qu'il y ait que moi là qui cause, mais enfin j'étais obligé de donner des informations, voilà. Et donc après il y aura les rencontres auteurs amateurs, et puis il y aura l'hommage à Sacralite, mais juste un bout, parce que ça durait presque une heure, et tout ça, les rencontres auteurs amateurs aussi, nous, on y reviendra pour déguster tout ça tout au long de l'automne, hein, dans la post-saison du théâtre. Et alors, je vous remets maintenant à Littoral. J'ai choisi deux extraits. Un premier extrait, si je ne me suis pas trompé, oui, un premier extrait qui se situe, c'était donc le 28 juillet. Je dis ça parce que après il y a des réactions du public et même des auteurs qui étaient venus, comme Sandrine Roche. J'ai eu des réactions à l'entracte. Donc, déjà avant l'entracte, un beau passage où l'on va remarquer, effectivement, le père, Jean-Noël Delétang, qui est d'ailleurs le père, effectivement, de Simon. Jean-Noël Delétang et l'acteur qui est Wilfried et qui est Anthony Poupard, voilà, bien sûr. Anthony Poupard, excellent aussi. Alors on va les entendre un petit peu, et puis d'autres acteurs bien sûr, dans ce passage significatif que je vous livre. Wilfried, j'ai froid. Mon sang s'est pétrifié. Mon haleine immobilisée. Wilfried, la lumière ne me concerne plus. Ce matin, je suis resté étonné à la voir si loin de moi, jamais m'atteignant, toujours loin, diffuse. Wilfried. Wilfried ? Papa ? Jérémy qui était mort. Ah, bien, tu vois, je vais bien. Il était venu me voir ? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Il était pas mort ? Je ne suis pas mort. Je suis tellement content de te voir. Cette nuit me rappelle Mexico. On va voir un coup. Je capote. Pour m'accrocher à quelque chose, j'ai pris la valise et j'ai ouvert. Oui, fais. Papa ! Je ne veux pas t'effrayer, je veux faire peur. Là, je capote trop, frère. C'est pas possible, je rêve pas là, je suis réveillé là ! Non, tu ne rêves pas. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Je veux dire, t'es mort ? T'es mort, non ? T'es mort ? Tu compliques toujours tout. Je rêve. Pourquoi tu fais là ? T'es mort, c'est pour ça que je veux dire. Je suis mort, et alors ? Mais alors, c'est pas normal, les morts, c'est les morts, les vivants, c'est les vivants. Mais toi, mort avec moi, vivant, c'est pas normal. Et qu'est-ce que ça change ? Rien. Sauf que je capote un peu. Je sais plus ce qui se passe. Je sais même plus si je rêve. Je sais même plus si je dors. Je sais même plus si je suis encore vivant. Je sais même plus qui est mort. Qui est mort ? Vous savez mort qui ? Si tu étais mort, tu le saurais. Croisant mon expérience. Peut-être. Mais je comprends pas pourquoi tu es venu. Tu me fais peur. Je fais de mon mieux pour t'enterrer avec maman, mais c'est pas facile. Mais c'est pas pour ça que je suis venu te voir. J'ai vu que tu avais ouvert la valise rouge. Je voulais être avec toi. Pour t'aider à comprendre ce qu'il y a dedans. Des lettres non expédiées ? Wilfried, des lettres pour moi. Elles te raconteront ton père, elles te raconteront ta mère. Mon petit Wilfried, je ne sais pas pourquoi je t'écris. Je ne sais pas pour qui j'écris. Je ne sais plus qui je suis. Je t'écris à toi parce qu'il n'y a personne à qui écrire. Aujourd'hui, c'est ton deuxième anniversaire. Et je songe combien seront tristes les jours qui te rappelleront celui de ta naissance. Puisque ce jour te rappellera la mort de ta mère. Tu as 2 ans. Je ne suis pas avec toi. Je suis incapable d'être là-bas, dans ce pays que je ne connais pas. À qui j'écris ? Pourquoi j'écris ? Qui me lira ? Qui me consolera ? Wilfried, mon cher Wilfried, je voudrais que nous soyons tous les trois ensemble, mais... je ne peux pas être triste. Aujourd'hui, tu as 2 ans, et je veux que tu gardes une mémoire joyeuse de ta mère. Alors pour tes 2 ans, je te ferai don de mon plus beau souvenir, puisque je n'ai rien de mieux à t'offrir. C'était sur une plage où il pleuvait. C'est vous, ça ? C'est nous. Vous étiez beau. Je rentrais, le ciel se Ismaël, je crois bien que je suis née. Je veux dire par là que prenant de plus en plus conscience que tu es là, je prends conscience aussi que je suis là. Pour toi comme pour moi. Parce que toi et moi, moi et toi, c'est comme la pluie sur ton visage. La pluie sur mon visage. Comment ça se fait que tu es né ici? On va savoir. Ouvre, Erin, et tu sors. Je sais plus ce que j'ai envie de savoir. Ah, qui voudra savoir? Deux personnes se sont aimées. La femme est morte, l'homme est devenu fou. Ça n'intéresse plus personne. C'est pas facile de faire raconter une histoire où le héros meurt à la fin. Pendant la guerre, nous habitions au sixième étage d'un immeuble de 8. Au septième étage habitait la tante Marie. Au troisième, pendant Clémine. Les autres étages étaient occupés par des voisins que nous avions fini par connaître à force de fréquenter le même abri qui était au sous-sol. Bonjour Lucie, c'est Jeanne. Il n'y a pas d'embarquement aujourd'hui chez toi? Je suis allée voir le médecin que je ne pouvais pas garder l'enfant. Dans cet embarquement de routine, je ne pouvais pas garder l'enfant parce que je suis trop fragile. Parce que je suis trop fragile. Mon cher Wilfried, je suis assis dans un café et je t'écris. Aujourd'hui, c'est ton 10e anniversaire. 10 ans que ta mère est morte. Hier, je suis arrivé par bateau dans ce pays fait de désert et de soleil. Je connais quelqu'un qui me fera travailler comme peintre en bâtiment. Je pense à ta mère. Je pense à ces jours heureux de la guerre. Ta mère vivante. Les bombes tombaient et nous jouions aux cartes avec les voisins réunis au fond d'un abri. Tu étais encore dans son ventre. Je la regardais et je pensais à toi. Tu me tenais chaud au fond de cette horreur. Il n'y avait plus de bombes, que son rire, et toi dans son ventre, et la vie malgré tout, toujours malgré tout. Tu m'as écrit des lettres pendant des années sans jamais m'en envoyer une seule? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu les écrivais? Je ne sais pas. À chaque fois, je me disais, celle-ci, je l'envoie. Puis elle finissait par traîner au fond de ma poche. Tu te rends compte que je savais jamais où tu étais? Pourquoi tu m'as rien dit? Mais te dire quoi? Pourquoi t'es pas venu me chercher pour m'emmener avec toi? Wilfried... J'aurais été tellement fier de toi. Je t'aurais tellement défendu. À ceux qui m'auraient demandé tes nouvelles, j'aurais dit que mon père est un poète sur les grandes mers du monde. Un passant qui m'écrit des lettres de partout pour me raconter à quel point il a aidé ma mère. Toutes ces lettres étaient si tristes, Wilfried. Pourquoi te les envoyer? Mais pour que je puisse savoir ce que j'étais pour toi. Qui j'étais pour toi? Un fils? Un inconnu? Un fils inconnu que t'as mis entre les mains de mes tantes et qu'on passait mon enfance à me raconter toutes sortes d'insanités sur toi? Oui, Wilfried! Qui j'étais pour toi? Je ne peux rien te raconter de plus que ces lettres te racontent! Alors j'ai ouvert, lettre après lettre, pour trouver, pour comprendre. Ma vie tout entière s'échappait des enveloppes. Mes souvenirs, mon imagination, tout m'échappe et s'évapore. J'ai eu tout à coup le profond sentiment que je n'étais plus moi, mais qu'il y avait un autre Wilfried, et que ce Wilfried-là, je pouvais presque le voir, le toucher. Toutes ces lettres que mon père m'avait écrites, et qu'est-ce qu'elles étaient, sinon la preuve que j'ai jamais existé vraiment, puisqu'elles étaient adressées à un autre que moi. Qui me ressemble beaucoup, qui a mon âge, qui s'appelle Wilfried aussi, et qui par le plus grand des hasards vit dans ma peau. J'ai passé la nuit à lire ces lettres. Beaucoup parlé de la terre, du pays, de l'enfance. Toujours la mer, souvent la mer. Parfois de la mort. Et souvent d'amour, beaucoup d'amour. Ismaël, Jeanne. La mort n'est rien, puisqu'elle t'aura donné un fils. Mais tu n'es plus là. Tu n'es plus là. N'abandonne pas ton fils, Smaël. Je lui écris. Des lettres que tu ne lui envoies pas. Je ne peux plus voir. Le voir, c'est te voir. Jeanne. Smaël. Oui, Jeanne. Oui, Jeanne. C'est toi qui cours sur la plage. Regarde, tu viens vers moi. Jeanne. Je suis venue te voir, au milieu du vent, de la mer, pour te demander de m'épouser. Je t'aime. Ne dis rien. Je suis fou parce que je suis là, avec toi, face à la mer, pour te dire mon amour, mon amitié, pour te dire mon amourité. Ne réponds pas. Ne dis rien. Regarde, Ismaël. C'est nous deux. Au temps où nous voulions tout faire. Être heureux, le bonheur à nos pieds. Si tu avais pu deviner, si tu avais pu prévoir la guerre, la douleur, la mort, m'aurais-tu aimé comme tu m'as aimé? Oublie, Jeanne. Retourne dans mes bras. Reste-y et oublie l'avenir. Un beau rôle aussi, la Jeanne. Magnifique. Voici donc les premières réactions à l'entracte que j'ai recueilli auprès du public, qui étaient surtout des gens du stage FNCTA, stage de toute la France, je le rappelle. Oui, ça c'est la fin, oui, ça sera la fin d'abord. La fin du spectacle que je vais vous faire écouter, bien sûr. Non, là, il y a donc... non, c'est ça. Eh bien, la fin de la première partie, pardon. Déjà des applaudissements, hein. Nourris, vous verrez après à la fin, c'est encore plus. La première partie. Ouais, moi je pourrais en parler. Ce que je disais, je vais dire ce que je disais. J'ai regardé la première partie en pensant à ma fille qui le voyait, qui a 9 ans, tu vois, et en me disant comment elle voit ça. Je disais, ah super, avec le chevalier, machin. Ouais. Puis je connais pas très bien l'écriture de Mouawad, tu vois, j'ai vu un spectacle. Et du coup, j'ai beaucoup aimé tout le début avec le rapport spatial, c'est le coup de la chambre funéraire et tout, de jouer avec ces codes-là. Enfin, ça m'a vraiment plu. Je trouve que la mise en scène de Simon, elle fonctionne hyper bien. Très très bien, enfin vraiment je fais un truc rythmique, simple, efficace, on rentre direct dedans. Et puis après j'attends de voir la globalité, je peux pas. Bien sûr. Non mais je prends. Mais sur la première partie, je suis prise par le truc quoi. Ouais, je veux voir ce qui se passe après. Bien sûr. Moi aussi, enfin moi je sais, mais je dirais pas. Mais Jean-Pierre, toi, qui était avec nous. Alors moi je veux dire, toute la partie scénographique, j'en ai raffolé. Je veux dire, ça c'est vraiment, elle est vraiment super. Ouais. La surprise de. D'avoir la forêt avant la fin, c'est un coup de poing à la gueule. Il y a des moments où, mais ça c'est vraiment personnel, je dirais le personnage principal m'a moins accroché. Parce que c'est tout, parce que c'est la manière dont j'ai ressenti ce qu'il y a. C'est-à-dire que j'ai pas assez ressenti. Voilà. Tu veux dire le personnage, le père ou le... Non, ou le fils. Le fils. Voilà, c'est dans... Je trouve qu'il est... Il démarre très haut. Et après, pour moi, enfin, je connais le texte, enfin, ayant lu le texte, il y a des moments où il devrait, je sais pas, j'aurais préféré qu'il redescende un peu pour redémarrer après, mais il reste toujours, je me permets de dire, 120 décibels, c'est pas au point de vue du volume du son, mais il est à 120 décibels, il n'en redescend jamais. Ah, j'espère qu'il tiendra le coup pendant la seconde partie, mais j'attends quand même la seconde partie avec beaucoup d'impatience. Pour les radios libres des Vosges, qui vous ont enregistré d'ailleurs tout à l'heure pendant votre débat, je coordonne les radios libres. Alors, Mariette, c'est ça ? Oui. Votre impression de la première partie ? Sachant qu'il nous reste tout à l'heure. Ah oui, ah bah, je ne suis pas très forte pour parler tout de suite d'un spectacle. Ah, je sais bien, j'ai besoin que ça décante. Mais c'est un texte que je connaissais. Ouais, et là, je sens que Simon Delétan s'est amusé à le mettre en scène. On sent qu'il y a du jeu, de l'amusement. Ça me plaît beaucoup. Bien. Voilà. Alors je continue à recueillir quelques... D'accord. On verra tout à l'heure. Oui. Julien et Magali, oui. C'est pour les radios libres des Vosges. On n'est qu'à l'entracte, mais bon, première oui. partie. Julien, vous connaissiez déjà sans doute, Magali, peut-être pas. Pardon, je... Oui, c'est pour les radios libres des Vosges. D'accord, ok. Alors je recueille les impressions plutôt après la pièce, mais comme je ne capturerai pas tout le monde. Ah oui, mais je pense qu'il faut quand même percevoir les... Enfin, les impressions des autres spectateurs. C'est, mais aussi, nous, aussi. Alors, comme ça, c'est parce que vous êtes là. C'est quoi vous voulez. Voilà. Bah non, mais c'est toujours beau de voir le travail de Wajdi Mouawad, la technique narrative. C'est impressionnant de voir qu'il arrive à... Il arrive à ouvrir comme ça une histoire, une épopée, une dimension. Et puis qui, je trouve, va très très très bien à ce théâtre-là. Enfin, c'est un cadre, c'est à la fois un décalage complet et en même temps ça correspond tout à fait à ce théâtre, à ses dimensions, à l'ampleur de l'histoire et du projet. Moi dans un autre, enfin, dans une petite note que j'ai fait personnelle, j'ai ouais. comparé le Chevalier à une pièce de Potcher, Amis et Amis. Il y a deux pièces de Chevalier de Potcher, Amis et Amis et Le Miracle du Sang. Ah, ça je connais pas ça. Ouais, ouais, voilà, c'est une pièce de chevalerie. Voilà. Ça a été écrit en... réécrit en 85 dans une seule forme, Amis et Amis, et c'est une sorte de quête du Graal. C'est, bon, ça ressemble un petit peu à Parsifal. Bon, c'était un petit peu l'obsession de Potcher d'ailleurs. Alors le chevalier avec la croix de Lorraine, qui en plus était l'emblème du théâtre avant. Voilà. Ah bah voilà, parfait. Voilà, c'est ça qu'on y est. Et vous, votre première question bah moi je suis encore dedans, donc pour l'instant... On en parlera, tout à l'heure. Mais, enfin, oui, en même temps, tes impressions. Oui, je coupe toi. Bah, pour l'instant, ça démarre bien. Ouais, voilà. Ce n'est qu'un début. Bah oui. Continuons la pièce. Apparemment, la deuxième partie est très très différente de la, ah, bah, de la seconde, d'après ce qui est annoncé. Voilà. Ouais, voilà. Tu verras. Pour les radios libres des Vosges, la coordination des radios, je recueille quelques impressions à mi-spectacle déjà, puis tout à l'heure en plein. Vous avez déjà une première impression à donner ? Ah, écoute, déjà un très beau spectacle, une mise en scène remarquable, très beau, très, vraiment très, très enchanté par la première partie et très en appétit pour la deuxième. Ouais. Voilà. Mais bon, il joue le jeu, t'as vu, hein. Il joue bien le jeu, hein. Hein, oui, alors, vos impressions. Moi, de toute façon, là, c'est vachement bien, parce que là, t'as quand même, en technique, partie technique, chapeau, hein. Le seul truc, c'est la lumière qui éblouisse, mais bon, ça, c'est chose. Mais c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, les acteurs sont très bons, mais on est toujours mal assis, c'est dommage. On profite un peu moins. Oui, mais ça, on oublie, hein, oui. On transcende. Oui, Julien, ouais, non, moi j'apprécie particulièrement le texte, l'auteur déjà magnifique, et je trouve qu'il y a une transfiguration du texte par une scénographie très simple et un jeu d'acteur très lisible. Et non, c'est un très très chouette boulot. Hâte de voir la suite. Voilà. Le c'est retour beau. Au bled. Je recueille vos impressions pour les radios libres des Vosges, après à l'entracte. Ils sont libres, la radio libre, bien radio sûr. Libre, oui, oui. Alors si c'est la radio libre, je veux bien. Alors oui, alors aux premières impressions, je recueille parmi les stagiaires. Hein. Ah oui. Alors l'impression sur la pièce. Oui, déjà. Sur la pièce. Oui, oui. Alors une surprise. Je connaissais pas l'auteur, donc la surprise d'une mise en scène, d'une inventivité, on est rentré de suite dans l'histoire, et une belle réalisation pour le moment, on attend avec impatience la suite. D'accord, ben, ça va venir. Je vais continuer avec notre amie la slameuse. Non, la slameuse, non, la rappeuse. Marseillaise. Ma comparse dans... Ah, c'est vrai, mon clone. Alors oui, tes impressions, non pas sur le stage, mais sur la première partie de la pièce. Alors, moi, je suis aussi très... pas surprise, mais happée par le texte, par l'humour. Alors, l'humour de M. Mouawad dans son écriture et l'humour de la mise en scène aussi. Hein. Voilà, je suis très séduite et je trouve que c'est passé extrêmement vite ces 50 premières minutes. J'ai hâte de voir la deuxième partie. Après, un peu frustré pour l'instant au milieu de l'histoire, par le fait de ne pas avoir profité encore des arrière-scènes de Buisson, mais je crois que c'est la surprise. Je dis rien. Tout à l'heure. Je dis rien. Je dis rien. Donc voilà, très bien, très bien. J'ai hâte de rentrer à nouveau dans la pièce. Voilà, et vous ? Ben, moi, j'ai trouvé le départ un peu long, jusqu'au moment où le chevalier du ciel est arrivé par le ciel, mais c'était un peu long au départ. Et après, on rentre dans l'histoire, dès que le chevalier est là, c'est bon. Ça suit, c'est très rapide, c'est bien mené, ça va, c'est un beau décor. Alors si, il y a quand même une question que je me pose, c'est pourquoi. Et je pense que c'est la tombe de Jésus-Christ qui est... Oui, c'est un tableau. Mais je me demande pourquoi ils n'ont pas mis le vrai père. Voilà. Je me demande pourquoi il y a cette figure. À poser au metteur en scène, peut-être, oui. Pense, moi, je peux dire, j'ai un élément de réponse. Il aime beaucoup les tableaux classiques. J'ai vu Tarkovsky, une représentation de Tarkovsky à Strasbourg qu'il avait montée, et il y avait aussi un grand tableau de la Renaissance. Il a une admiration pour les œuvres picturales majeures. Cette crucifixion, je ne me rappelle plus de qui elle est, mais voilà. C'est un tableau. Mais c'est une, célèbre. La descente du Christ, le Christ au tombeau, ça. C'est ça, le Christ au tombeau. Ouais. Oui. Voilà. Je ne sais pas de quel. Peut-être un italien du. Demande. c'est peut-être écrit quelque part. Mais en tout cas, on attend la deuxième partie avec impatience. Ah bah, tout à l'heure. Alors, pour les. Voilà. Moi, je suis des haut-parleurs. Les beaux-parleurs, les haut-parleurs, c'est où ça ? C'est à Saint-Locum, dans la Manche. Ah, où ça ? Dans la Manche. Ah oui, d'accord, oui, j'ai encore. Ah oui, alors donc, justement, vos premières impressions à l'entracte, parce qu'après, je ne vous verrai peut-être pas, alors voilà. Formidable, vraiment tout est formidable, la mise en scène, le jeu, le chant polyphonique au début, magnifique. Ouais. On kiffe grave. Ouais. Tu t'arrives à parler un peu, non ? Action se voit avec sa performance d'hier soir, donc... Contrairement à ma collègue qui est bouche bée, moi je suis touché vraiment par ce que j'ai vu et j'attends la suite avec impatience. Ouais. Bien, c'est ce que me disent tout le monde, c'est vrai. Et vous, qui avez traversé la Manche dans ce livre. Oui. Non, je ne l'ai pas traversé. Non, c'est superbe, ouais. vraiment. Ah ben, voilà, ça dans un décor extraordinaire, comme toujours, quand ça s'ouvre, parce que, c'est bon, merveilleux. Vous êtes dans le stage, effectivement, et vous êtes de quelle troupe ? Donc vous l'avez dit, mais vous relativement au micro. Quelle troupe de la Manche, alors ? Je fais partie d'un groupe de lecteurs à voix haute qui s'appelle les haut-parleurs. Vous en avez parlé, c'est ça. Voilà. Lecture à voix haute. Ouais. Et pas jeu théâtral. Non. Ah ben, et vous êtes venu pour le stage. C'est de la lecture théâtralisée. C'est la première fois que vous venez dans le stage. Oui. Ah oui. Et pas à Buisson quand même, si. Non, j'étais déjà venu trois fois voir la saison. Pour finir, juste une minute. Les haut-parleurs, alors c'est. Il y a une mise en espace quand même. Oui, on travaille avec des metteurs en scène. Ah ouais. Et oui, il y a une mise en scène de nos lectures spectacles. Et ça m'intéresse parce que moi je fais ça parfois quand on n'a pas le temps, de travailler ou pour d'autres raisons. Ouais. Et ça, le public marche bien. Énormément, c'est assez surprenant. Au départ, les gens ont un peu peur, ils pensent que ça va plutôt être très littéraire. Ben oui, c'est ça. Et en fait, quand les gens viennent une fois, ils reviennent. Ouais, oui. Parce qu'en fait, on choisit quand même des textes, des textes qui sont abordables pour tout le monde, quoi, beaucoup de choses très drôles. D'accord. Lecture à voix haute, on trouve ça sur Internet. On trouve ça un peu partout maintenant. Non, mais je veux dire, vous, votre groupe. Ah, on a un site Internet, qui s'appelle Les Haut-Parleurs. Ben voilà. Voilà. À bon entendeur, salut. Merci, à tout à l'heure. Voilà, on va revenir dans la salle. Et en fait, je vais vous passer la fin. Avec l'ambiance qui s'ensuit. Quant à moi, je te souhaite de trouver l'âme d'un vieux chien qui viendra s'asseoir à tes côtés. Tu ne seras plus mort, mais tu redeviendras berger. Sois son gardien. Et redeviens alors, pour l'éternité, pour nous, le gardeur de troupeau. Mon âme est rassurée. Je vais aller rejoindre le grand calme des profondeurs. J'aurai comme compagnon de jeu les noms de mon pays. Là, parmi les poissons, je serai le gardeur de tout. Je vous laisse seul. à jamais orphelin. Même s'il faut être un fou furieux pour accepter de vivre, je vous confie la terre. Je vous confie la vie. Je marcherai sur l'eau désormais. Oui, oui, Simone, Amé, Massy, Sabé, Joséphine, il est l'heure de vous mettre en route. Avancez sur les chemins, épuisez-vous à la marche, partez avant le jour, éragez et enragez au bout des routes, au bout des villes, au bout des pays, au bout du temps. Tout juste après les amours et les peines, les joies et les pleurs, les pertes et les cris qu'il y a de littoral et la grande mer. La grande mer qui emporte tout et qui m'emporte d'ailleurs. Qui m'emporte. C'est la première scène finale où on voit dans la grande forêt ouverte Marina Buise qui est Jeanne, qui est merveilleuse, qui est revenue, qui est la mère, et puis Simon de l'étang, et puis Jean-Noël de l'étang qui se donne la main, qui monte vers la forêt. Voilà, magnifique finale et qui se déroule sous un vertige d'applaudissements, comme vous allez l'entendre. Et j'ai oublié tout à l'heure de dire qu'à l'entracte, on a pu écouter les auteurs des rencontres auteurs-amateurs, Sandrine Ross en premier lieu, Mariette Navarro, un petit peu Magali Mougel, qu'on entendra tout à l'heure, et Julien Gaillard. Et voilà le final, final. Alors il y en a environ pour 5 minutes d'applaudissements. Pendant ce temps, je vais vous lire le poème de Pessoa qui inspire un petit peu cette idée de garder un troupeau. Je suis à garder un troupeau. Le troupeau, ce sont les pensées. Les pensées, ce sont toutes les sensations. Je pense par les yeux et par les oreilles. Je pense par les mains et par les pieds. Je pense par le nez et par la bouche. Penser une fleur, c'est la voir et la respirer. Manger un fruit, c'est en connaître le sens. C'est 41 jours de chaleur, je me sens triste, le temps la savourer. Je m'allonge dans l'herbe et je ferme mes yeux brûlants. Je sens tout mon corps couché dans la réalité. Je connais la réalité et je suis heureux. Alors, peu à peu, comme chaque jour, la foule monte et la foule se met debout, là, c'est une standing ovation, comme on dit. Et c'est, je vais vérifier, c'est comme ça chaque fois. Moi, je suis allé 3 fois et j'ai été de plus en plus saisi. J'irai peut-être une 4e d'ailleurs. Ça, c'était avec tous les acteurs amateurs, il y avait des cinquantaines, donc venus de toute la France, plus les jeunes des rencontres franco-allemandes qu'animait Julien Gaillard. Et c'était donc le 29 juillet. Le plus, c'est quand le public tape des pieds sur le plancher. Je vous dis, 1h30, j'ai pas tout à fait mesuré. Voilà, je passe ça pour vous donner une idée de l'engouement. Hein. C'est sociologique, si on peut dire. C'est pas une pièce facile. Hein. Non. Sur la réflexion sur la mort, elle est ouf. Mais bon, c'est extraordinaire. Alors. À la fin est superbe. Hein. Vraiment, l'engloutissement du père, c'est très très beau. Et puis de voir la chaîne des pères, oui, c'est magnifique. Attends, vraiment magnifique. Le septième show de Bergman, tiens. Ah ouais. De toute façon, oui. Non, c'est... Ça, là, je vais interviewer les autres. Je veux dire, d'un point de vue personnel, l'émotion, c'est... Waouh. Il y a longtemps que j'ai pas eu à... Ouais. Je sais pas. C'est bon. C'est bon. Tu es vraiment emporté, là. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Bravo. Superbe. Superbe. Ouais, donc... Ta première impression ? Ma première impression, c'est de me dire qu'on renoue avec un théâtre qui est un théâtre d'émotion, qui passe uniquement et presque exclusivement par le, on va dire, le jeu et ce que les acteurs vont nous transmettre. Il n'y a pas besoin de décor. Ouais. Ce minimalisme-là, qu'on ne voit que dans des petits spectacles d'habitude, là, c'est le choix de Simon Delétan, c'est de proposer pour le Théâtre du Peuple, pour cette saison-là, l'un des spectacles principaux, sans passer par un décor, en jouant uniquement sur les effets de quelques lumières, de quelques musiques. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu ne supplées pas d'un point de vue musical, forcément des bandes-son, mais c'est les voix humaines qui sont là pour nous emmener dans une émotion. Enfin, bravo, chapeau. Allez-y. Et vous avez quelque chose à ajouter ? Vous étiez à l'entracte ? Je t'ai parlé à l'entracte. Tu as parlé déjà, en fait. Là, je suis trop submergée. D'accord. J'ai pleuré et je suis trop submergée. Je vois que l'émotion aime tout le monde. Ah oui, c'est... Moi aussi, hein. T'as la fois le père qui est là. Il est là, il est plus là, et puis tu l'as dans le... Sur scène, tu l'as sous le fait du mannequin, et puis... Enfin, bref. C'est le père personnel universel, enfin, c'est extraordinaire. En plus, ouais, je sais pas le père de tout le monde. Enfin, tout le monde peut dire, c'est la père. Voilà. Nous vraiment avec aspect, ça renoue uniquement avec un théâtre qui est le théâtre d'acteurs, quoi. Le théâtre de la comédie, des comédiens. Ça m'a fait bien, hein. Non, mais c'est... Bon, c'est très saisissant, hein. C'est génial. Nous allions noyer nos larmes. C'est une vraie claque. Pour la première fois, tu renoues avec ce que le théâtre, enfin, selon moi, est d'abord et avant tout une voix. La vibration de la voix. Ouais. La voix. La voix qui est une vibration et que tu partages avec l'ensemble du public et des spectateurs. Mais c'est le théâtre à l'état brut, pur. Puis-je vous demander vos impressions pour les radios libres des Vosges et la coordination des radios ? L'impression que c'est un beau spectacle. Maintenant, comment dire, si on voit que c'est un... La première partie est très... finalement, je préfère la seconde, mais oui. La première partie est très touchante, très... voilà. Mais vous étiez stagiaire cette année? Non, pas mais moi. Mais les autres années, si? Ah, ça m'est arrivé, oui. Oui, je vous reconnais, oui. Ouais. Vous êtes du midi. Hein. C'est ça, absolument. Vous êtes venu à la FNCTA, dans les stages, il y a... Voilà. C'est pour ça, c'est déjà vu. Voilà, il y a quelques années, oui. Ah, oui. Vous savez que ça fait longtemps que vous venez à Busson, quoi, du coup. Oui, absolument. Et cette année, vous êtes venu à l'occasion du stage, quand même, des autres stagiaires ? Oui, on est venu voir la pièce, et puis bon, on est venu se promener pour la région, et voilà. Ouais, parce que vous êtes de d'Avignon. Avignon, d'accord. Avignon, alors. Voilà. Ben voilà, voilà. Et alors donc, voilà, vous avez pu... Ce spectacle, c'est... Ah oui, c'est très fort, très, très, très, très, très, très fort. Bon, alors chacun y trouve un sens différent, mais voilà, non. C'est un spectacle qui a du sens et voilà. Et qui est très fort. Merci. Voilà. Et vous êtes interviewé pour les radios libres des Vosges. Oui. Alors vous qui avez été très près de ce spectacle, Lucille notamment, mais aussi près de ce week-end. Voilà. Oui. Voilà. Donc impression. impressions Mes impressions, je suis très contente. J'ai trouvé ça très beau, très fort. Et j'ai participé aussi à l'auteur amateur et pour la quatrième fois. Et j'ai pris encore un grand plaisir à rencontrer des écritures contemporaine et à les lire en public. Une telle pièce avec, bien sûr, une certaine nostalgie. Oui. Oui, évidemment. Et vous ? Quelle était la question ? Ben, la question, c'est l'impression à sortir du spectacle. Ah, je suis plutôt emballé, moi. Voilà, donc, c'est la première fois que je viens à Bussan. Et j'ai vraiment apprécié le spectacle, alors que je suis assez difficile. Ah oui, ah, d'accord. Voilà. Et le lieu, j'ai vraiment... Vous avez découvert le lieu. Tout. J'ai découvert le lieu, ouais, voilà. Et on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Très bien, merci. Ah ben voilà, encore une stagiaire. Les impressions sorties du spectacle. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de l'ouverture du fond en plusieurs temps. Ah oui. Avec des ouvertures limitées. J'ai trouvé ça original, j'avais jamais vu encore ouvrir comme ça. Ah ouais. Et du sang, oui, ben je viens tous les ans, donc voilà, je peux comparer. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé la sobriété au niveau du plateau, c'est-à-dire un plateau presque nu. J'ai beaucoup aimé dans la première partie aussi les petites scènes sur les côtés. Oui. Et je trouvais ça très très bien vu. Enfin, dans l'ensemble, je suis très contente. Très très bon spectacle, très agréable. Voilà. Merci. Je vais interroger d'autres personnes. J'interroge quelques stagiaires, pas René, mais René si. Mais justement, ils vont parler. Oui, mais justement, c'est ce que j'interroge. René, une autre fois, mais... Ça va, Vincent? Oui, ça va. Bravo, d'ailleurs. Mais alors, j'interroge les participants du stage. Voilà. C'est pour ça. Dont j'étais, d'ailleurs. Ouais. Oui, bah écoutez, superbe expérience. En plus, on sort d'une belle pièce, avec scéniquement parlant, etc. Et en fait, cette rencontre amateur-professionnelle, c'est toujours un moment fort de pouvoir rapprocher ces deux mondes qu'on peut penser séparés, mais liés quand même par cette passion du jeu, cette passion de la mise en scène, passion du théâtre en général. Donc voilà, très belle expérience et très heureux d'avoir participé à ces journées. Très bien, merci. Merci. Et puis pour vous, quelques observations pour les radios libres des Vosges. Voilà. Eh bien écoutez, je dirais que il faisait beau. Oui. On a souffert de la chaleur, du travail, mais on a une belle récompense à la fin. Très bien. Ah ben je vais interroger d'autres personnes qui viennent du Nord. Vous venez de quelle région? Oh, la Lorraine, moi. La Lorraine, c'est vous de Villers-Nancy, pareil. Ah, mais voilà, c'est pour ça qu'on se connaît. De ça. Ah, les non-nordistes, vos impressions non-nordistes, Christian. Oui. Et ben, c'est une pour les radios libres des Vosges. Je recueille des impressions d'habitude auprès des spectateurs, mais là, plus spécialement aujourd'hui, nos stagiaires. Ah bon, vous qui avez fait le stage, je ne reverrai pas d'un an, peut-être, hélas. Enfin, voilà, vos impressions. Tout a été intéressant, et là, le spectacle, c'est le clou, disons, au-dessus de tout ce qu'on a fait. C'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Hein? Oui, une mise en scène efficace, pas du tout tape à l'œil, mais vraiment en accord avec le texte. Parce que vous, ça fait 10 ans que vous venez, on savait. Oui. Vous avez dit les premières, chaque année. Il n'y a pas une année où vous n'avez pas été là. Oui. Non, on est là pour la 10e fois. On espère qu'il y aura une 11e. C'était des gens donc du Nord qui viennent souvent au stage. Je précise que on a eu à un moment donné les plus enthousiastes, c'était les gens de la Sans-Seine, c'était Eric de Sans-Seine, de la Bresse, qui était vraiment, vraiment très enthousiaste. Il y en a une même de cette troupe-là, du comité départemental de la FNCTA des Vosges, qui a pas voulu parler parce qu'elle pleurait à la sortie, elle pleurait d'émotion. Et elles étaient deux d'ailleurs comme ça, et ce groupe-là était particulièrement saisi par l'émotion, et c'est vraiment ce final dont je parlais, avec cette très belle figure incarnée par Marina Buiz, et puis par cette chaîne humaine. qui moi m'a bouleversé. Bon, certains ont d'autres appréciations, vous le verrez par la suite. Tout le monde n'est pas tout à fait dans la même concordance d'âme, mais ça existe. Alors, je continue encore les entretiens. Oui, un texte un peu difficile malgré tout. Oui, un texte un peu difficile, un peu aride, mais qui met en valeur le jeu des comédiens. C'est d'accord. Vraiment une performance. Bien, bien, c'est bien. Très bien. Bon, ben, merci. Le temps, la lumière dans les feuillages, tu disais. Oui, avec le beau temps et la lumière dans les feuillages, ça fait une respiration dans un texte qui est quand même très très dur, sur une situation très dure. Et le fait de voir cette nature paisible laisse un temps, disons, de repos par rapport à la pièce. Ouais. Bien, bien. Parce que je vous ai eu à l'entracte, mais... Ah, Daniel. Oui. Ton impression. Mon impression de quoi de... Ben, je fais des interviews, des participants du stage. Pas sur le stage, oui, mais pour la pièce aussi, voilà. Alors, ben, pour le stage, c'est magique, comme tous les ans. Oui. Donc, quelques petits problèmes d'organisation cette année, mais je pense que ça c'est à cause du changement de direction, donc ça, mais ça change rien à ce beau week-end. La pièce, très belle scénographie, une première partie que j'ai adorée, et puis la deuxième partie, j'ai trouvé plus longue et un petit peu de manque d'émotion qui viennent juste à la fin, voilà. Mais autrement, c'est magique quand même, c'est magique. Magique, oui. Voilà. Et puis vous, que je... on n'en avait pas parlé. Ah, non, il a les moyens de me faire parler. Il a les moyens de me faire parler. Ah ben moi, le stage, c'est ma deuxième année et je trouve ça absolument magique. La rencontre avec Sandrine Roche, j'ai adoré, c'était superbe. Quant au spectacle Littoral, j'en ai pris plein les yeux, plein le texte magnifique. Et je ne me permettrai pas de juger la scénographie parce que je suis une toute petite amatrice. Donc, c'était vraiment très très beau avec très belle chose. Et toi, après l'entracte. Alors, oui, une première partie, je ne m'attendais pas à ça, donc c'est une surprise, c'est bien. Je ne m'attendais pas au texte avec autant d'humour. Alors, il m'a manqué une petite progression dans l'intensité des émotions qu'on a retrouvées vers la fin. Voilà. Il y a eu une propulsion et puis après une petite stagnation et j'ai pas trouvé de montée en puissance d'une émotion vers une évolution du personnage, notamment du fils, le rendu de l'émotion. C'est ce qui m'a un petit peu manqué. Voilà. Toutes les deux, mais vous sinon... venez de Marseille Oui, Marseille. Enfin moi, non. Saint-Raphaël. Ah, Saint-Raphaël, oui, mais le sud, quoi. Voilà, la moi PAC. De Gignac. Voilà. Moi de Gignac-Lanerte. Gignac. Le 13. Ah, Gignac. Le 13. Oh, bah, alors, le CD 13. Tout à l'heure, il y avait je pense que sur France Inter, il y avait une émission sur la pollution de l'étang de Berre. Ah, ça, c'est... alors la pollution de l'étang de Berre, il faut rétablir la courantologie, hein, parce que l'étang de Berre, si on amène de l'eau salée, on n'en parle plus de la pollution de l'étang de Berre. Voilà. On se met loin de ça, encore que, puisqu'on a une immersion dans la mer, et que c'est la Méditerranée dans laquelle... Est immergé. Hein. Oui. On est au littoral. On revient au littoral. Hein. Ah, ouais. Mon micro, pour avoir une deuxième impression, parce que c'était vu à l'entracte. C'était plus simple d'en parler à l'entracte que maintenant. Ah oui, c'est vrai. Parce que la pièce est quand même constituée de deux parties qui sont très différentes, géographiquement et je dirais dans les registres. Donc là, je suis un peu sous le coup de l'ensemble, ouais. Et sous l'émotion, mais parce que moi je suis ému, et à la fin il y a l'ouverture de la Passion selon Saint Jean de Bach, et c'est un morceau de musique qui m'émeut complètement, donc je sais pas trop quoi dire. Et puis je lis, ça m'évoque la fin d'un film sublime qui s'appelle Le Miroir d'Andrei Tarkovsky, ah où oui, il y a cette musique et les générations qui s'unissent, le temps mêlé, uni. Voilà, donc je suis sous le coup de cette émotion-là. On en reparlera. Je faisais plus le malin à l'entracte. Ah bon ? Là, je le fais un peu moins. Bon, ben, personne ne le fait. Moi, j'ai eu des gens qui pleuraient presque à la sortie. C'est autre chose. Hein. Ben voilà. Ouais. Voilà. Je peux vous demander, vous embêter encore un petit peu, Magali. Là, c'est Magali. Oui, parce que là, vous êtes... Donc Magali, une de nos auteurs, hein, qui a fait Julie... Suzy Knott. Pierre Stork, d'ailleurs, Pierre, c'est intéressant. Moi, j'étais avec... Sandrine, mais j'aurais bien aimé aussi cette pièce-là. C'était dans les deux que j'aurais aimé faire. Là, j'ai fait avec Sandrine, parce que j'étais bien structuré, où les personnages étaient identifiés. Bon, là, on parle un peu de... On revient sur le stage, mais... Parlons effectivement du... Alors, voilà, l'impression sur la pièce... Enfin, d'abord, sur le stage en général... Sur le stage, bah, c'était un très beau week-end, je crois. En tout cas, un beau moment de rencontre et puis d'échange autour de l'écriture. Et donc vous êtes vosgienne, vous êtes fraise, ouais. C'est ça? Ouais, ouais. Ah oui. On vous a vendu la mèche? Non, mais je mougèle. Ouais. Il y en a... disons que c'est difficile. On sait tout de suite, mais on savait. Hein. D'accord. D'accord. Mais vous avez commencé le théâtre dans les Vosges? Oui, mais enfin surtout quand finalement j'ai quitté les Vosges et que j'ai été étudiée à Strasbourg. D'accord. Voilà. Et oui. Vous n'avez jamais joué dans les Vosges avant? Non. Et vous avez été joué dans les Vosges? Non, pas à ma place. Ça va peut-être se faire. Ouais, sans doute. On avait pas mal de compagnies d'amateurs du coin. Hein. D'accord, ok. Et alors, revenons à Littoral, alors. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Mais votre impression, votre ressenti. Ouais, c'est une pièce qui est d'une très très grande densité. Après, voilà, c'est toujours étonnant d'entendre l'écriture de Moi-Mouette, parce que c'est une écriture extrêmement intelligente, et puis... de l'entendre là dans cet écrin, je trouve ça très agréable, voilà. Le Théâtre du Peuple, vous étiez venu déjà? Bien sûr. Souvent, oui. Souvent, depuis longtemps? Bah, depuis que j'ai le permis de conduire, donc depuis 18 ans. Ah d'accord, vous avez vu pas mal de pièces, donc ouais, ça sans vous vieillir quand même. Oui. Vous avez vu depuis l'époque de Guillois sûrement? Même avant. Ah, même avant, autant de rock alors? Ouais. Christophe Rock, oui, tout à fait. J'aime bien Christophe Rock. Enfin, chaque directeur a sa singularité. Non, mais je dis c'est bien aussi, voilà. Oui. Moi, j'ai un bon souvenir de ces spectacles. Je dis de ces spectacles. Oui. Voilà. Et voilà, que dire de plus? Pour l'instant, rien. Pas moi, voilà. Merci. Merci. Bon, Julien, on reparle un peu de la maison. Oui. On a vu à Bussan. Oui. Parce que... Alors oui, cette pièce a été diversement perçue quand même. Ben, j'espère bien. Et les gens, c'est une pièce très poétique, voilà. On parle de poésie, là c'est une pièce poétique quand même. Ah oui, oui, oui. Ah. Oui, on peut le dire sans aucune honte, j'ai absolument pas honte de cet adjectif qui très souvent est entendu avec une espèce de petit sous-entendu péjoratif. Pour moi, ça n'est absolument pas péjoratif. Non, ça ne me fait pas peur. La poésie ne me fait pas peur, elle ne m'effraie pas. Et j'invite tout le monde à ne pas être effrayé par la poésie, qui est quand même au cœur, je pense, de la littérature. Parce que ce qu'on a vu ce matin, hier je veux dire, la noce, alors là on est plus dans... c'est tout à fait différent, tout en étant très poétique aussi. Oui. Et on est dans le conte, c'est plus linéaire, c'est la... C'est une narration, ouais, c'est un conte, vraiment. Mais dans la maison, il y a aussi une narration qui est pas du tout traitée de la même manière, mais voilà, qui est plus de l'ordre des sensations. C'est plus un texte qui travaille par sensation que par narration. Oui, j'espère bien. Je pense à ce que disait Brecht, que le théâtre est plus fait pour diviser que rassembler. Oui. Je pense que la poésie divise et que c'est bien parce que ça nous fait tous réfléchir, parler, et c'est une bonne chose. Moi, j'invente rien parce que je l'ai lu aussi, mais on retrouve une ambiance, une certaine inquiétude. De bord de fleuve, peut-être comme dans certains films, en retrouve cette sorte de monde un peu étrange, avec une espèce de fantasme. On est quand même vraiment dans l'imaginaire le plus. Les souvenirs d'enfance. Ouais. Oui, les sensations plus sensations, que les souvenirs. Sensations. Ce qui nous constitue. Je pense que c'est plus une auto-archéologie qu'une autobiographie. Oui. On a tous ça en nous, ces strates de l'enfance. C'est ce que j'ai essayé de représenter. Ça a été écrit un petit peu dans l'esprit des bords du Rhône. Vous êtes je suis de là-bas, moi. Ouais. Je suis pas du bord du Rhône, mais pas loin du Rhône. Ouais. Une région entre près de l'Isère et de la Savoie. Le Rhône passe pas loin, ouais. Ouais, les terres froides, l'arrière-pays grenoblois, pour être précis. Les montagnes, les contreforts des montagnes et les contreforts de la Chartreuse. Voilà. Plus ou moins le pays de Pierre Richardville, d'ailleurs, à un moment donné. Ah oui. Je ne me rappelle plus le nom, c'est dans la région qui est sous Grenoble, où Pierre Richardville m'a vécu. Ben merci, je vous en prie. Et bonne continuation. Et on va découvrir d'autres choses, bien sûr, bientôt. J'espère. Ouais. Merci. Merci. Merci. Complément puisque tu t'étais bien exprimé tout à l'heure, à l'entracte. Oui, alors je dois dire que c'est le. Autant j'étais un peu mitigé au niveau de l'entracte. À la fin, ma première impression. C'est vrai que c'est un super travail. Je reste, mais ça c'est en sensibilité personnelle, je reste un peu sur ma faim dans laquelle j'ai dû attendre le dernier quart d'heure pour avoir une expression ou un sentiment de sensibilité. Tout le reste était trop dans l'énergie, était trop dans l'intensité pour moi. Mais alors je dirais que la fin a tout récupéré avec... de la part du metteur en scène, une utilisation absolument magnifique de l'espace scénique, du plateau, de toutes les possibilités techniques qui étaient offertes. Là, c'était un véritable plaisir, c'était un régal, mais globalement, un tout, tout bon moment, avec un petit bémol, mais dû uniquement à mon attente, qui est loin d'être déçue. Ouais. En dehors de tout ça, je rappelle que Jean-Pierre nous vient... d'un pays limitrophe, ce qui nous est cher, de deux pays limitrophes d'ailleurs, l'un qui est au nord, l'autre qui est au sud, enfin, et on avait parlé un petit peu hors micro, ça m'intéresserait d'en parler, du théâtre du Jura, où tu as joué, le théâtre du Jura qui est le... Non. Alors, j'ai jamais joué, j'y suis allé plusieurs fois pour voir des spectacles, mais le théâtre du Jura qui est le jumeau de Busan. C'est le pendant de Bussan, d'accord, avec pas toute l'histoire de ce qu'il y a à Bussan, mais de fait, qui a été construit également au début du XXe siècle, à mon avis quelques années après Bussan, mais qui a conservé, qui n'a pas toute l'histoire de Bussan, qui n'a pas toutes les activités qu'il y a à Bussan, mais je dirais qu'il y a une atmosphère, une architecture certainement, et une atmosphère qui jumelle, si on peut dire, les deux patelins. Voilà, c'est un plaisir. Ouais, fameux théâtre. Il est ouvert toute l'année, lui. Oui, parce qu'ils l'ont rénové, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années, et ils y ont installé un chauffage. Voilà. Oui, j'avais été pour le chauffage. Mais d'accord, oui. Voilà. Sinon, tu ne vas pas. Ici, c'est différent. Ah bah oui, mais, non, oui. Mais bon... C'est un peu moins beau quand même, parce qu'on n'a pas le fond ouvert. Ça, c'est le cadeau de Bussan, c'est le fond ouvert. Alors, merci Jean-Pierre. Merci, je t'en prie. À la prochaine. À la prochaine. Bon, moi je prends la route maintenant, dans deux heures sur la maison. Ah oui, bonjour, vous allez bien? Oui, oui. C'est toujours aussi bien. Ah oui, je vais vous interviewer pour les radios libres de la Société d'Histoire. Vous avez aimé ? Oh, beaucoup, énormément. Je viens tous les ans, là, avec une amie. Ah, ben quelques fois, je viens même plusieurs fois. Oui. Ah oui, je sais qu'on se voit souvent. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais ici, non, c'est vraiment bien. Oui, oui. Ça vous a saisi. Ah oui, ça nous a plu. Ben, c'est la vie de tout le monde. Hein. On se retrouve tout seul, les parents morts, et puis voilà. Oui. Hein. Et vous avez... Beaucoup. Oui. Et vous reviendrez donc. D'accord, oui, ben oui. Peut-être pour les Molières d'ailleurs. Le soir. C'est les soirs. Les Molières, c'est les soirs. À partir du 31 juillet. Ah, d'accord. Voilà, au plaisir. Au plaisir. Hein. Bon, on retrouvera quelques impressions encore sur le littoral. Ça me paraît important. Puis, puisqu'il nous reste un peu plus de 15 jours, enfin, si, 3 semaines, jusqu'au 26, jusqu'au 25. Hein. Ouais, ça va aller vite quand même. C'était le cœur des femmes de Sofia, tout à fait en relation avec ce périple de Wilfried vers l'Orient avec son père. Voilà, c'est sur ce chemin que peut-être, comme on entend des voix, celle de Simone dans la nuit, mais là c'est les femmes bulgares. Je vais même vous passer encore d'autres entretiens et je vais commencer par Pierre Barra. Pierre Barra est un ancien du théâtre. Il était un des sages, puisque le théâtre s'est doté de, à partir de la fin du XXe siècle, avec Jacques Ralit, Michel Bataillon et Monique Blin. Et donc Pierre Barra s'est doté de quatre sages qui maintenant sont remplacés par quatre autres, lesquels sont donc Guy Dumély, Jean-Claude Berruti qui était directeur du théâtre, Sylvie donc Debussan, Sylvie Tuaillon, et une sage qui a été choisie par Michel Bataillon, qui a travaillé sur le théâtre serbe, notamment, qui est d'origine serbe, et qui est Ljubav Kazarić. Voilà, donc, jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, Pierre Barra était sage, et vous allez entendre, il est un de ceux, effectivement, qui a choisi, avec nous, puisque j'étais aussi dans ce conseil, qui a choisi avec nous le nom de Simon de l'Étang, il y a déjà 2 ans, pour succéder à Vincent Gotthals. Donc, entretien avec Pierre Barra. Tout à fait, et qui est d'ailleurs inclus dans la pièce. Oui, oui, oui, j'ai entendu à un moment donné. Oui, le texte, oui. Là. Zölderlin, voilà. Oui. Eh ben... Donc, en gros, ouais, je me suis un peu ennuyée dans la deuxième partie, pendant une partie, un petit moment. Moi, c'est quand il tourne sur le plateau. Ah oui. Mais... Je me suis dit ça, oui. Oui, voilà. C'est un peu long. Mais bon, ça. C'est un... comme au théâtre, comme dit Peter Brook, l'ennui c'est le diable. À un moment, le diable est venu me chatouiller un tout petit peu au début, mais il est reparti vite fait. Bien, bien, tant mieux. Ouais, mais bon. Voilà. Bravo, merci. Je vois que j'ai fait une petite erreur. Il y a eu un moment de silence là, sur les deux précédents là. Alors, donc, je vais vous repasser le 8 qui a été remplacé par la musique, qui était les chœurs bulgares. Je me suis trompé dans mes manettes. On voit donc le témoignage que moi j'ai entendu, mais pas vous. Oui, je suis ancienne. Et qui veut me donner peut-être ses sentiments sur Littoral. Oui. Ah ben écoutez, moi je l'ai vu hier après-midi. Hier après-midi, oui. J'ai été absolument bouleversée par cette pièce. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi émue lors d'une représentation théâtrale. Alors voilà, je pense que c'est le texte de Wajdi Mouawad, je ne sais pas comment on le prononce. Mouawad, je pense que c'est son texte bien sûr, mais que c'est aussi la mise en scène, les choix du metteur en scène, cette espèce de dichotomie entre la première partie qui est plus humoristique et plus drôle, et pourtant qui annonce la mort du père, et puis cette deuxième partie qui est extrêmement tragique, oui. et que je trouve très très bien représentée par cette espèce de zone désertique, dévastée, solitude absolue, ouais. Cruauté absolue, et ouais, puis petit à petit une sorte de chaîne, de petite chaîne humaine qui nous donne l'espoir que les choses peuvent changer. Voilà. Ah, ça ouais, m'a totalement bouleversée. Et vous venez des fois à Busson j'y viens assez régulièrement, pas forcément chaque année, mais vraiment régulièrement. Il y a des metteurs en scène, certains metteurs en scène que je n'ai pas bien aimés du tout, et là je trouve que c'est une bonne idée de rendre accessibles les auteurs contemporains et de les... de les présenter comme ça dans un théâtre si extraordinaire et si important pour la région aussi. Donc, ouais. Ah oui, je reste fidèle, oui. Merci. Hein. Je vous en prie. Et je vous repasse le début de l'autre qui a été tronqué aussi. Voilà, avec des angevins. Un spectateur de cet après-midi. Oui. Voilà. Des Vosges, hein, je veux dire. Comment ? Vous êtes Vosgien ? Non, pas ah du bon, tout. Ah bon, je croyais. Je suis angevin. Ah, bah alors, c'est. Ah oui, c'est vrai, on se reconnaît. Oui, alors, de l'Anjou, alors vos impressions ? Bah, moi, j'ai beaucoup apprécié le début. Enfin, dans l'ordre, les choses que j'ai le plus appréciées, il y a le chant du début, oui. Le démarrage de la pièce qui est assez tonitruant, et aussi toute la philosophie qui se dégage au niveau de ce qu'on ne parle pas toujours, de la mort mais qui nous attend, inéluctable, de la vie qu'on n'ose pas toujours assez vivre, dont je trouve qu'on est dans le chaudron de la vie et de la mort. Et qu'on nage avec l'auteur, ouais. Que j'aime bien. Ah ben, vous venez souvent au théâtre ou... Non, de temps en temps. C'était la dernière fois, c'était en 2011 qu'on est venu. Ah oui, quand même, ah oui, c'est voilà. Bien. Ah, ça fait donc, temps, ouais. Puis parce qu'on... On voit Jean-Claude, parce que notre fils avait même fait un stage là avec, comment s'appelait la... Françoise Merle, il y a longtemps. Ah oui, d'accord. Ah ben, vous l'interviewez aussi. Alors, vous avez vos impressions à la sortie de la pièce Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout la première partie. J'aime beaucoup les textes de Mouawad. Ah oui. Et puis j'aime, ouais, parce que comme on est de Nantes, il est artiste associé à Nantes. On a vu presque tous ses spectacles, d'accord. Mais on n'avait pas vu celui-là. Ah. Voilà. Ouais. Et puis j'ai bien aimé le côté dépouillé du décor. Et puis j'ai beaucoup aimé le chant, le premier chant. Ça. Voilà. J'ai trouvé ça très dans l'émotion. Polyphonie grecque. Voilà. Orthodoxe, je crois. Voilà, ouais. Et la toile, ouais. En avant-scène est oui, très bien. Oui, avec la toile, le voile utilise différent. Tout à fait. Ouais. Et qui est d'ailleurs inclus dans la pièce. Oui, oui j'ai entendu à un moment donné. Oui. Oui, oui, le texte, oui. Là. Ouais. Zölderlin, voilà. Mmh. Eh ben... Donc voilà, donc en gros, ouais, je me suis un peu ennuyée dans la deuxième partie, pendant une partie, un petit oui. Moment. Moi, c'est quand il tourne sur le plateau. Ah oui, ah oui. Mais... Je me suis dit ça, oui. Ouais, c'est un peu mais long. Mais bon, ça. C'est un... comme au théâtre, comme dit Peter Brook, l'ennui, c'est le diable. À un moment, le diable est venu me chatouiller un tout petit peu au début, mais il est reparti vite fait. Bien, bien, tant mieux. Ouais, mais bon. Et on va continuer encore un petit peu. Bien, bien, me voici à la sortie du théâtre le 28. Alors, je me trouve avec des familiers du théâtre, des amis, on peut dire, de quelle organisation ? Non, enfin, pourquoi pas ? Mais on va le dire, de la CGT, qui est fidèle au théâtre. Peut-être toi aussi, Guy, je ne sais pas. Tout à fait, oui. Je te situe dans d'autres raisons, mais aussi on peut l'affirmer. Entre autres à la CGT. Et donc, alors, vous sortez de cette pièce, d'abord vous êtes des familiers du théâtre, vous venez souvent, chaque année. Hein oui, chaque année, depuis 25 ans. 40 ans aujourd'hui, ah ouais. Quand on découvrait le théâtre du peuple, c'est notre... Voilà, vous êtes venu l'an dernier aussi, vous êtes venu l'année d'avant, Guy aussi, et vous pouvez me donner un petit aperçu de vos impressions sur cette pièce que vous venez de voir. Moi j'ai énormément aimé, pleine de symboles, un texte très très riche, avec vraiment très actuel, avec vraiment des tableaux magnifiques, et le fait d'avoir très peu de décors, on apprécie énormément le texte. Enfin, vraiment une pièce, moi, qui m'a énormément émue, et vraiment, j'ai énormément apprécié. Bien, bien. Du beau théâtre, vraiment du beau théâtre. Bah, je serais plus mitigé parce que c'est vrai que ça surprend par rapport à l'an dernier où c'était une pièce très dynamique. Hein, l'opéra de Katsu, c'était... Il y a déjà trois ans. Ah bah oui. Hein. Ah bon, bah tu vois comme quoi le temps passe vite. C'était la dame de chez Maxime. Ah, la dame de chez Maxime, c'est pareil, c'était assez animé, assez fédo, c'est ça. Alors que là, bon, c'est vrai que c'est un texte un peu compliqué, comme la situation d'aujourd'hui. Ça retrace assez bien la situation d'aujourd'hui, voilà. Donc c'est une pièce à réflexion. Alors, c'est sûr, quand on est en vacances, on a... moi, personnellement... J'aime mieux la distraction pendant les périodes de vacances, mais ceci étant, c'est une belle pièce. D'accord. Voilà. Pareil. Un peu, la deuxième partie, un peu long, peut-être, mais à la réflexion, comme disait Régine, pleine de symboles, assez déroutante par le fait de faire parler par personne interposée. Il y a tout un tas de choses. Je crois que les années qui viennent vont être riches aussi. Ouais. C'est bon signe. Bien. Eh bien. Bien. Et puis bonne continuation Radio Gamozo. Ah ben oui, merci. C'est pour toutes les radios là, les radios libres. Toutes les radios. D'accord. Enfin, en principe, on les envoie à 6 ou 7 radios, je ne m'en rappelle plus. Donc Gamozo bien sûr, mais d'autres radios. Donc Résonance, Radio des Ballons, et puis Cristal, sans doute, Bellevue, RCM et Cocktail. Dans divers. C'est la coordination des radios des Vosges. D'accord. Pour lesquelles je recueille les... Un grand pilier, pilier important. Bon, il faut bien. Stable et solide. Il faut bien militer à sa façon, hein, pour la culture démocratique. Hein. Voilà. Donc, ici, est un symbole aussi. Voilà. Oui, ceux qui ne savaient pas s'ils allaient tester le nouveau metteur en scène, un nouvel auteur, je crois qu'il ne faut pas hésiter à venir voir. Hein. Très bien. Parce que même, bon, dans les médias locaux, enfin si on peut appeler ça des médias locaux, on n'entend autant dire pas parler du Théâtre du Peuple cette année. Pas trop. Oui. Donc, et c'est vrai que vraiment, ça mérite d'être découvert, vraiment. Un bon cru, un de plus, quoi. Ben, on écrasera quelques chiens au théâtre, et comme ça, la presse locale parlera du théâtre. Oui, tout à fait. Un autre José, on va le nommer, un autre témoin, José, qui était vosgien, qui vit maintenant dans le Midi. La même. Alors, notre ami... La même. Alors... Notre ami, qu'on va pas nommer, si on va nommer pour les jeux, José, donc, qui va repartir dans le sud où il habite, je voudrais avoir cette impression. Pour les radios, la coordination des radios libres des Vosges. Alors c'est drôle parce que j'ai vu la première, j'étais mitigé. Oui, je m'en rappelle. Et fatigué aussi. Peut-être comme pas moi, très réceptif. Première, c'est fatigué aussi. Ouais. J'avais trouvé en plus qu'il y avait des obsessions de l'auteur que je trouvais inutiles. Et puis en fait, là aujourd'hui, je suis séduit par la pièce. Je trouve que c'est intéressant, là, 15 jours après, là, c'est la 10e aujourd'hui. Donc je suis certainement plus réceptif, mais ça s'est sûrement densifié aussi, ça a pris de l'épaisseur. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Moi, ça fait la troisième, et effectivement. Toi, tu es un familier de Busson. Hein. Moi, ça fait la troisième que je vois. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses, alors? Eh bien, moi, c'est. Bon, peut-être qu'au bout de trois fois, on s'attend un peu trop aux situations, dans la deuxième partie notamment. Mais sinon, ça me permet d'affiner, d'apprécier les moments forts du jeu, dans la première partie notamment. Et puis, dans la deuxième partie aussi. Moi personnellement j'apprécie toujours hein. Et c'est même le final et m'a bouleversé comme d'habitude les deux autres, comme surtout la deuxième et troisième fois. Ouais. Et bien moi je suis revenu parce que j'avais des amis dont Jean-Claude par exemple qui m'avait dit qu'il avait beaucoup apprécié et ouais, il y a des moments forts comme la scène de l'accouchement, qui est bouleversante aussi. Et puis après, oui, ce thème-là de trouver le père dans ce père-là qui devient le père de tous et qui, ah ouais. qui permet de faire le deuil et de se racheter, de devenir meilleur. Ouais. C'est chouette. Et puis bon, il y a toujours l'ouverture sur le décor de la forêt derrière qui est toujours un moment magique et qui est bien vu là. Ouais. Ouais. Ouais. Avec, j'avais pas capté la première que c'était Simon de l'Étang qui faisait le père à, la, à l'âge ah oui, à oui, moitié si, de si. Sa vie. Quoi. Si, voilà, c'est ça. Et ça, c'est, ouais, c'est intéressant ce tableau, ben, cette image à la fin. Les trois âges de la vie. Hein. Les trois âges de la vie. Ouais, c'est ça qui te bouleverse, toi ? Oui, aussi, notamment. Oui, ce ouais. final, là. Ce final qui. Ah, qui transperce. Il transperce là, les couches de conscience et puis d'âge. Je trouve ça. Ouais. Je me suis rendu compte qu'un père, ce que j'essaie d'être, c'est quand même important dans la vie. C'est pas toi, mais... Ah oui, oui, bah, vachement. Ouais. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 25 ans. Ça fait 26 ans qu'il n'est plus là. Et c'est sûr que... Un père et une mère aussi, bien sûr. Ouais, ouais. Puis on cherche aussi un père ou une mère de substitution quand ils ne sont oui. plus là. Et c'est une figure qui est importante, la figure paternelle. Ouais. Je vais trinquer avec mes camarades. Oui, vas-y. Merci Félix. Moi ça me rappelle, ça me met en tête, parce que je me suis plutôt le père que la rôle que je peux avoir comme père. Voilà. L'importance psychique. Ah ouais, c'est vrai. Ça me dit, tiens, malgré tout, il faut que j'y pense à ça. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est un devoir de, mais de responsabilité. Là, justement. Et aujourd'hui, ça tombe mal parce que c'est les 40 ans de ma fille. Et je suis justement pas. J'ai choisi d'être au théâtre et de ne pas aller la voir avant midi. J'irai la voir que dans 15 jours. Et je me dis, je me sens un peu coupable. Voilà. C'est vrai. Ben, oui et non. Alors moi un peu aussi, si je peux te consoler, parce que je suis venu que pour 3 jours là, depuis Tarn-et-Garonne, où j'habite depuis un an maintenant, après avoir passé 30 ans ici dans les Vosges. Et mes filles en ce moment sont en train de bosser dans des jobs d'été, une au rajout de gazon, l'autre à la Bresse. Donc je ne vais pas les voir là, tu vois. Oui, oui. Ouais. Ouais. Enfin, bon, voilà. C'est... Mais voilà, c'est pas... Mais... Si on le vit bien, il n'y a pas de souci, je pense. Hein. Et comme dit la citation, ce que nous sommes n'est rien, c'est ce que nous cherchons qui est tout. Voilà, le oui, cherchons. Ouais, ouais. Très beau, très belle phrase. Et enfin, une dernière série de témoignages, le 5 août, avec, je pense, j'ai dû enregistrer encore un petit peu l'ambiance pour donner... une idée qu'elle un témoigné qu'elle ne faiblit pas d'une fois à l'autre. Alors vos impressions. Ah, c'est pas moi qu'il faut demander ça, Vincent. Bah, si, aussi. Ah, mais c'était bien en vrai, ça va. Hein? Non, mais c'était bien, nous on a bien aimé. Il y avait des moments, c'était drôle. Ça va. Ouais. Et toi, tu veux pas l'exprimer? Ouais, c'était un beau spectacle. Mais je trouve que par un moment, le texte est un peu léger quand même. Ouais. C'est, par contre, c'était bien, c'est qu'on avait beaucoup. C'est, je trouve ça un peu facile. Je trouve que le texte est un peu facile dans son écriture, dans les ressorts, dans... Et puis la deuxième partie, c'est le cheminement, je trouve infinissable. Ouais. Il y en a qui s'appelaient, il faut que c'est comme ça. Ouais, c'est... mais moi, je suis... Bon, après, il y a peut-être aussi la lourdeur de la salle avec la chaleur terrible, là. Ça joue peut-être dans mon impression. Mais voilà, globalement, c'est, ouais, je sens... Non, c'était bien vu qu'on a beaucoup vu la forêt. J'ai bien aimé la première partie, mais la deuxième partie, ça a été déjà dur à vivre physiquement. Et puis je trouvais ça un peu long. Et l'autre frangin ouais, je veux bien, on voyait beaucoup la forêt. Les visages chauds. Voilà. Par contre, c'est bien qu'il y ait des ventilateurs. Ah oui, sinon, il était mort. Hein. Bien, bien. Ouais. Non mais tu sais déjà ce qui va se passer, genre tu sais quelque sorte. C'est attendu. Tu vois, quoi. Ouais voilà. C'est attendu. Ouais. Tu sais déjà ce qui va arriver. Tu t'y attends déjà avant. Voilà, c'est tout. Ah c'est vrai que ça. Ouais, ouais, c'est. Bien. Allez. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Sur le spectacle. Alors, donc une parisienne ici, là. Non, pas parisienne, provençale, mais d'accord. Qui vit en Normandie. Ah, d'accord. Et qui connaît le Théâtre du Peuple depuis une quinzaine d'années. Ah, alors vous êtes venu souvent ? Ben non, pas encore. Là, on était venu une fois il y a 3 ans. Ah oui. Et puis on voulait revenir l'année dernière, mais une de nos chiennes a été malade, on a dû rester sur place. D'accord. Du coup, on est là cette année. Alors, sortie du spectacle pour les radios locales des Vosges, vos impressions ? D'abord, je suis très touchée. C'est un sujet. La façon dont c'est traité, j'ai adoré, avec beaucoup de trouvailles. Après, je suis très touchée par le sujet, touchée par la jeunesse de beaucoup d'acteurs. Oui, oui. La notion de troupe, toujours bien sûr les ouvertures vers l'extérieur qui ont marqué beaucoup de gens en France déjà. Et voilà, pressé de revenir. Merci, merci. Bon, alors, c'est l'impression d'une spectatrice sortie de littoral. Ben, écoute, moi j'aime bien ce moment où on a l'impression, enfin l'espace de quelques heures, de faire partie d'un même monde. Je pense que c'était une réussite. Cette impression qu'on se pose, si on veut bien, si on veut bien prendre ce temps, qu'on se pose les mêmes questions. Et avoir réussi à faire cohabiter la comédie et la tragédie sans qu'on s'esclave et sans qu'on pleure à chaudes larmes, moi je trouve que c'est une belle performance. Ce fut un bon moment. Merci. Merci donc madame, voulais-je dire, pour ne pas la nommer. Et voilà, les impressions sur Littoral. Il y en aura d'autres, j'en ai encore recueilli d'autres pour la fin de la saison, que je donnerai à la fin de la saison dans la prochaine émission, dans 15 jours. Mais il sera trop tard pour y aller, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous donner un aperçu complet des témoignages pour vous donner envie d'y aller. Après, on parlera des Molières, où on aura aussi des témoins intéressants, et je vais donc juste ponctuer par un petit peu de musique antique reconstituée. Donc, musique antique reconstituée par l'Atrium de Madrid. Et c'est là, c'était Anacrusis. Maintenant, je vais passer un petit peu les entretiens sur Lens, que je vous avais prévu, puisque on reviendra sur Lens. Malheureusement, on ne peut plus aller voir Lens, c'est à guichet fermé. Et c'est les dimanches soirs, il n'y a plus que deux dimanches. Oui, deux dimanches. C'est ça, le 12 et le 19. Et on peut pas y aller, il y a plus de place, à moins de peut-être d'attendre un peu devant à 20h que quelque chose se dégage. Alors, on y reviendra sur Lens et je vais vous parler du Tartuffe. Alors, je vais aller vers la partie centrale de Tartuffe, qui donne justement un bel exemple de tartufferie par une actrice tout à fait remarquable, Judith, je vais retrouver son nom, Judith, et puis tous les autres acteurs. Voilà, un petit morceau de Tartuffe que j'ai vu mercredi, pas celui-ci, celui d'avant. Donc c'était le deuxième Molière qui était passé, j'avais pas vu l'école des femmes, et on verra après les réactions, je vous donne un petit peu la tonalité de ce... avec le personnage de Tartuffe, justement, interprété par une jeune fille, une jeune femme. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable ? Oui, mon frère ! Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable ? Oui, mon frère ! Je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, traître, vous êtes bien par cette fausseté voulant de sa vertu ternir la pureté. Quoi ? La fin de l'histoire de cet ami hypocrite vous fera démentir tout, peste maudite. Ah ! Laissez-le parler ! Vous l'accusez à tort ! Et vous feriez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable ? Savez-vous après tout de quoi je suis capable ? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur ? Et pour tout ce qu'on voit, vous croyez-vous meilleur ? Non ! Non ! Vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien, moi, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien. Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point. Je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître. Ces discours vous séduiront au point. Détends, mon âme, mon frère. Hé, levez-vous de grâce. Infâme. Hypocrite, je rase quoi je passe. Il y a ce nom, je te comprends. Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine de la plus dure qu'il ait reçu pour moi la moindre égratignure. Laissez-le en paix. S'il faut à deux genoux vous demander sa grâce. Hélas, vous manquez-vous qu'aucun voit sa bonté. Non, paix. Mais dis-je. Je sais bien quel motif de l'attaque t'oblige. Vous le laissez tous. Et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On mettait imprudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Et plus on fait d'efforts afin de l'envahir, plus j'en veux employer et mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa mort pour se l'obliger ? Oui, traître ! Et dès ce soir, pour vous faire enrager, je vous brave tous et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte et qu'à l'instant fripon, vous êtes assez dur pour demander pardon. Qui ? Moi ? De ce coquin qui par ses impostures ? Ah, tu résistes, gueux, et lui dis des injures ? Un bâton ! Un bâton ! Ne me retenez pas ! Ah ! faire. Oh ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas, le seul pensée de cette... Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice aussi rude. L'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur fixé et que je ne puis parler. Et crois que j'en mourrais. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde en quel grand trouble j'apporte et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment vous moquez-vous? Vous m'y êtes. Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe. Voyez-vous que mon cœur les écho ne manquera pas de vous suivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme aisément d'un mari peut bien surprendre. Non. Laissez-moi vite en m'éloignant d'ici, le rôti tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous voulez... N'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez pas. Non ! En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Je vais qu'avec elle à toute heure on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien de la signe entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends est bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme a l'envie d'entrer un écrit et que puisse l'envie en crever de dépit. Rino! Tartuffe! Quatrième acte! Oui, tout le monde en parle et vous en pouvez. Donc, voilà, commençons à ponctuer les actes avec une grosse caisse. Tout de suite, quelques réactions recueillies. Je veux dire, j'ai un peu de mal à recueillir des réactions au sortir. Là, je vous ai passé un passage très significatif. Le début était un peu plus rapide, même. Et pour plus d'impression sur ce Tartuffe, en tout cas du mercredi. Mercredi 7, 8 août, mercredi, oui, c'est ça. Non, mercredi, c'était le 1er août, je crois. Ouais. Eh bien, pour plus d'impression, fiez-vous, reportez-vous à l'article aujourd'hui de Sabine Le Sueur dans Vosges Matin, qui donne bien un aperçu du ressenti à cette représentation de Tartuffe, je dirais spécialement, qui ne s'est pas retrouvé d'ailleurs dans les autres. Représentations, moi j'ai vu le Misanthrope et j'ai vu Donjon hier, et on n'a pas cette impression de Molière en TGV qui apparaît là. Donc je vais voir les réactions, on va voir, puisque le temps m'est compté pour l'instant. Après on fera le bilan total plus tard de cette expérience de Molière punk, comme on l'a déclaré, comme on l'a défini. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il effroyable? Oui, mon frère! Je suis un méchant, un coupable! Oui, je reprenais, c'était ce qu'on avait fait. Les réactions de Tartuffe, les voilà. Interviewé! Alors, bonjour! Bonjour, monsieur! Enfantin! Ah bah! Bonsoir! Bonsoir! Interviewé! Alors, bonjour! Bonjour, monsieur. Enfantin. Ah bah, bonsoir. Bonjour. Faut interviewer Nathalie plutôt. Ah bah oui. Moi je sais pas parler, moi. Ah bah toi aussi, Michel, je pourrais t'interviewer. Parce que c'est pas ta pièce, justement. Non. Ton impression? Ben, mon impression, c'est que c'est super, quoi. Ouais. Ça va vite et c'est compréhensible ça... et c'est super. Ouais, ouais. On a embarqué. Voilà. Merci. pas deux secondes, je sais pas où maman. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, c'était bien. C'était bien. T'as bien tout compris, toi? Il y a des choses que j'ai pas trop compris, mais sinon, j'ai compris la plupart des choses. Ah ouais. Avec la machine. Et toi, t'as tout compris, ça? Oui, c'était compréhensible, oui, c'était bien. T'as bien accroché? Oui, bien accroché, oui. Voilà. Ah ben, pour Radio Guébozo et les Radio Libre des Vosges, quelques impressions au sortir des spectacles pour Radio Guébozo et les Radios Libres. Vos impressions au sortir des spectacles? Sans commentaire. Ah bon, sans commentaire. Et, bon. Déroutant. Voilà, c'est déjà un mot. Ouais. C'est quand même intéressant d'avoir un avis sur un spectateur. Bien, un avis sur un spectateur que je prends à la sortie de ce tartuf là, sans faire le tartuf justement. Oui, d'abord on se demande pourquoi la salle reste allumée et on comprend vite pourquoi la salle reste allumée. C'est parce qu'en fait les spectateurs ont besoin du texte pour suivre la pièce. Oui. Vu que le parti pris de la mise en scène est de donner le texte assez vite, très vite, en accéléré. Ça fait que c'est une pièce en accéléré qui va à 100 à l'heure ou débit comme ça, très rapide, qui fait que rapidement on décroche et on ne comprend plus rien, on ne sait plus qui est qui. D'autant que les rôles sont un peu tirés au hasard, comme ça, joués, les hommes sont joués par des femmes et vice-versa. Ce qui fait qu'il n'y a pas de costume, ça reste en plein feu tout le temps. Ce qui fait que ce n'est pas très séduisant comme spectacle. Et c'est presque un spectacle de fin de conservatoire plutôt qu'un spectacle d'un centre dramatique, j'irais. Oui, ouais, c'est vrai que moi j'ai recueilli d'autres avis. Certains trouvent ça déroutant, d'autres sont assez séduits par la virtuosité des acteurs. Quoi. Oui, les acteurs sont bons, enfin ils sont normaux, on va dire. Ouais. Ils sont presque à l'unisson, tellement on leur demande de donner leur texte d'une façon monocorde et rapide et machin. Et ce qui fait qu'il n'y en a aucun qui se différencie, ils sont tous bons et tous pas bons en fait. Et ce qui est aussi, bien sûr, il y en a un qui se met à poil, ça inévitablement. Oui, ça, maintenant, ouais. Dans les mises en scène modernes, ça, allez, il y a toujours un mec à poil. Oui, ça. Bon, voilà. Je dirais 5 sur 20. Merci. Et d'autres réactions? Encore? Non, c'est pas moi, je l'ai entendu. Alors, on a j'ai entendu un tel massacre en une heure et demie, bon, j'ai ça, entendu. C'est... Ah bon, oui, c'est possible. Quelque chose comme ça. Tu as capté, oui, après, c'est comme ça. Hein. Ils n'étaient pas très contents. Alors, j'ai été interrogé des acteurs. Hein. Justement, ça m'a paru intéressant. Vincent, pour l'interview. Oui, moi je fais... Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Enchanté. Voilà. Ah bah oui, vous êtes le rôle pas principal. Non, pas principal. Mais le quasi-rôle principal. Orgon. Oui, le père de famille. Oui, Orgon. Alors oui, c'est parti pris de... Alors voilà, pas vous demander votre avis sur la pièce. Parce que moi je recueille pour les Radios Libres des Vosges. Hein. D'accord. Donc vous, votre nom, c'est... C'est Thomas Tressy. Alors, votre parcours théâtral? J'ai fait, comme mes camarades de la troupe, le Conservatoire de Lyon, oui. Sur 3 ans. Et puis, avant, j'avais fait un bac théâtre à Clermont-Ferrand. Et à l'issue de notre 3e année du Conservatoire à Lyon, Gwenaëlle Morin nous a embauchés tous pour jouer 3 pièces de Molière, à savoir Don Juan, Tartuffe et Le Misanthrope. D'accord. Donc vous jouez dans les autres pièces aussi? Aussi. Ah oui, je viendrai les voir. Avec plaisir. C'est la première fois que je viens voir un Molière ce soir. Et donc, votre vie de ce Molière-là, ce parti pris de rapidité, de style, de débit. Bah ça, c'est une volonté de Gwenaëlle Morin, le metteur en scène, qui... s'attache plus au sens global de certains passages plutôt qu'au mot à mot qu'on peut souvent voir chez Molière ou entendre. Avec moi, dans ce cas, moi, je dis ce que je ressens. C'est très physique aussi. Hein, c'est très physique. Vous, ouais, hein, c'est très physique. Monter sur les côtés. On est seul sur scène. Il n'y a pas de décor, pas de costume, pas de lumière. Donc on est un peu à poil. Ouais. Et il faut qu'on tienne le texte sans arrêt, quoi. C'est à nous de. Et comment vous ressentez ce théâtre? Vous connaissiez ce théâtre? Je l'avais vu 2 années avant de travailler avec lui. Et j'avoue que c'est absolument jouissif d'avoir un terrain de jeu aussi grand. Qui est un texte de Molière, quel qu'il soit, et pouvoir naviguer comme des enfants à dire comme des enfants qui jouent quand on dit on dirait que tu seras l'Indien, on dirait que tu seras le cow-boy, c'est un peu ça, nous. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on a fait, nous, mais avec texte en main, dans les rencontres auteurs amateurs, où on avait des jeux comme ça. Mais vous y étiez, ça nous a bien plu, on s'amuse avec ça, quoi. Mais vous sentez que le public est divers, pour tout dire. Il est un peu déconcerté, il est intrigué. J'ai pas pu interviewer tellement de personnes qui ne savent pas trop quoi dire, ou qui sont divers. Bon, il y en a qui sont moliéristes, qui disent que, bien sûr, ils sont choqués par ce évidemment. Plus. Bon, moi je trouve que c'est une réactivation de Tartuffe, j'avais plus vu depuis que j'étais au lycée, c'est-à-dire. Mais voilà, alors vous, votre vécu de ça, de l'intérieur. Face aux réactions du public, c'est étant donné qu'on a la lumière allumée dans la salle et sur le plateau, on voit toutes les réactions et les gens se sentent, s'autorisent à avoir des réactions beaucoup plus que s'ils étaient dans le noir. Et alors évidemment, cette radicalité-là dans la mise en scène, dans le jeu d'acteur, suscite forcément des débats, si ce n'est des réactions. Et il y a des gens qui adorent, d'autres qui n'aiment pas du tout. Généralement, c'est rare qu'il y ait le juste milieu. Soit on aime, soit on déteste. Il y a des gens qui sortent, ou il y a des gens qui applaudissent à la fin. Mais hier, il y a quelqu'un qui nous a hué et montré ses fesses. Ah bon, hier ? Ouais, hier soir à la fin. Ce qui est une réaction tout à fait possible. Ouais. Voilà. Ça laisse pas indifférent. Hein. Voilà, ça laisse pas indifférent. Ouais. Non, mais moi, je suis un petit peu. En faisant du théâtre moi-même, j'essaie de voir. C'est une très grande performance. Une dynamique du texte. Et bon, c'est vrai que c'est un parti pris. Moi, j'admire. Hein. Bon, en même temps, on voit bien que c'est un exercice de pointe. Voilà. C'est quand même. C'est sûr que oui, ça demande. On a beaucoup travaillé. Mais la langue, les verbes. C'est quand même fort. Hein, et les acteurs excellents. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci. Après, l'effet, il est divers. Mais bon, on a eu quand même des applaudissements là. Oui, bien sûr. C'est pas. Bien sûr, non. Mais après, c'est sûr que. Je sais pas, après le public de Buisson, je sais pas. Bon, ben là, c'est un public divers. Hein. Divers, ben voilà. Il est très diversifié, le public est très variable. Hein. Mais c'est sûr que ça suscite des réactions diverses et variées, et tant mieux. Et tant mieux. Parce que ça sert à ça, le théâtre. Et voilà, merci. Puis alors, bonne continuité tout l'été. Hein. Ben, merci à vous. Moi, je viendrai voir tous les autres. Avec Molière. Plaisir. Merci. Hein. Merci, Vincent. Merci, Thomas. Ah, génial. Arnolf de l'école des femmes. Ah oui. Le fameux Arnolf. Ah, mais moi, je verrai ça de mardi prochain, peut-être, ou un autre mardi. D'accord. Alors, voilà, oui. Et donc, j'ai commencé le conservatoire de Genève. J'ai fait 2 ans à Genève, et suite à ça, j'ai voulu devenir metteur en scène, donc j'ai fait le conservatoire de Lyon, section mise en scène. Et à la fin du conservatoire, j'ai été embauché en tant que comédien, comme toute l'équipe, par Gonel Morin. Donc ça a changé un peu mes plans, j'ai arrêté de faire de la mise en scène et je me suis formé sur le tôt, sur le tard, sur le plateau, au jeu. Et du coup je suis devenu comédien professionnel grâce à Gonel Morin. Voilà. Et depuis je suis sur plusieurs équipes. Voilà. Alors là donc vous avez joué dans tous les Molières ? Oui. Ah, et donc là, moi dans Tartuffe, vous jouiez la mère, enfin la grande... Madame Pernel. Madame Pernel, oui. Voilà. Comment vous vivez ça ? Alors la première scène, c'est une scène de tension très forte. Ouais. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en sortant de cette scène, je suis en nage. Ah oui. Et je tremble. Je tremble de tout mon corps. Donc j'ai besoin d'un quart d'heure pour me reposer, pour retrouver mes esprits, etc. Et ça, je pense que c'est dû à l'écriture. Ah oui, et puis au débit aussi qui vous est demandé. Voilà, il y a un débit qui est rapide demandé. Rapide, hein. Voilà, c'est ça. Et puis le fait qu'on m'a demandé de beaucoup crier, de beaucoup pousser, de beaucoup porter la voix. Oui, moi c'est ce que je trouvais, effectivement, il y a une dynamique dans. C'est très physique, très. Ça change d'un Molière habituel, effectivement. Bah, donc, les Molières habituels, donc comédie française, ça dure 2h40. Eh oui. Et chez nous, c'est 1h30. Eh ben voilà. Okay. Et ça, il faut parler vite. Vite et puis pas faire de respiration. C'est un peu déconcerté quand même, il faut dire ce qui est. Mais c'est la manière de vitesse, je crois. Non, c'est pas la manière de vitesse. Ah bon. Nous, on a travaillé avec les vidéos de vitesse au début des répétitions. Ah, on a imité ce qu'ils faisaient et on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était pas, ça nous appartenait pas. Donc, en fait, ce qu'on retient des Meilleurs de Vitesse, c'est que c'est un espace unique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de décor. Il y a toujours un tambour, il y a toujours une maillotte, ouais. Et il y a toujours une chaise, et il y a la même équipe de comédiens qui fait les quatre. C'est ce qu'on a tenu en ah fait. Ah oui, c'est la même équipe tout le temps, oui. Voilà. C'est du boulot en plus. Oui, ça c'est vrai que c'est du travail. Après on a travaillé, ouais. On a joué un mois chaque pièce, donc on a eu le temps de les éprouver avant de faire cette formule. Ah, vous les avez joués ailleurs ? On a joué plus de 300 fois ces pièces. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, quand même. Oui, 300 fois. C'est pas spécial pour Husson. Non, un peu partout en France. Ah, d'accord. Ouais, en passant par Toulouse, on était en Suisse, ah, à Paris, on a joué à Angers, à Tours, à Quimper. Ah, d'accord. Voilà, à Lyon. Et alors cette rencontre avec Husson, le théâtre, vous connaissiez ? Alors, de nom, comme tout le monde, je crois, comme tous les gens qui font du théâtre, ils ont entendu parler un jour du théâtre de Husson. On se réjouissait, on l'attendait quelque part. Et puis quand on est arrivé, oui, c'est magnifique, quoi. Et en plus, c'est un vieux théâtre, mais il a techniquement des qualités d'un théâtre très moderne. C'est-à-dire que l'acoustique est bonne, ah oui. Le rapport scène-salle est excellent. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rapport avec les spectateurs qu'on a dans peu de salles. Ouais. Qu'on a, si on veut, dans les petites salles. Et ça, c'est génial. Ah oui. Oui, pour 850, pas ce soir tout à fait, mais 850 quand même de capacité, oui. Ah oui, tout à fait. Non, il est génial ce théâtre, il est vraiment très bien foutu. Alors voilà, vous allez continuer à tirer toutes vos flammes, vos flèches, moliresques. Oui, alors là, on en a encore pour 2 semaines et demie, surtout les samedis où on joue de 14h à 22h. Ça va être sacré. C'est le meilleur moment. Voilà. C'est le meilleur moment et je vous conseille de le tenter. De ne pas avoir peur, de se laisser porter et d'essayer. Il y a des feuilles qui... Merci beaucoup. Hein, et puis, bonne continuation. Je vous remercie. Voilà. Bonne continuation à vous aussi. Donc là, je me suis retrouvé avec Tartuffe. Bonjour. Étrange, alors. Grande actrice, hein, Judith. Ça, c'est vrai, grande actrice. Alors, vous appelez... Judith. Et donc, vous êtes votre parcours théâtral Alors, j'ai été formée à Lyon, dans une école qui s'appelle la Seyne-sur-Saône. Et ensuite, j'ai été au Conservatoire de Lyon, là où j'ai rencontré tous mes camarades de jeu. Ouais. Ensuite, on a rencontré Gwenaël Morin quand on était en train de finir notre formation. Et puis, on a travaillé avec lui depuis 2013, où on a monté donc ses pièces de Molière, qu'on joue en ce moment, puis aussi des pièces de Sophocle. Et puis, certains ont fait aussi avec lui des Shakespeare. Moi, j'ai aussi fait d'autres tragédies, Échille. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Sophocle, Échille, Euripide. Ouais. Voilà, et on a eu un parcours comme ça pendant à peu près 4-5 ans où on travaillait avec Gwenaël Morin, parfois on allait en tournée, et puis chacun de temps en temps, on allait aussi faire des projets où on n'était pas avec les autres. On a aussi un collectif ensemble où cette fois-ci c'est pas avec le metteur en scène mais c'est juste entre nous. Donc en fait, on varie, voilà, la vie d'intermittent quoi. Voilà, donc. Vous jouez Tartuffe, mais je vais vous revoir dans votre pièce, dans votre rôle. Oui. Différent, je pourrais voir vos différentes facettes de jeu. Là, en tant que Tartuffe, vous êtes vraiment saisissante. Voilà. Alors, comment vous vivez cette Tartufferie ? Alors, c'est très étrange parce qu'aujourd'hui, particulièrement, ouais. On a choisi de le faire différemment de d'habitude. Donc oui. Là, ce que vous avez vu ce soir, la façon dont j'ai joué Tartuffe, c'est une nouvelle chose. C'était quasiment une impro. On l'a un peu répété sur certaines scènes tout à l'heure, cet après-midi. Ouais. On a répété des choses. Et il m'a demandé de trouver quelque chose qui se rapproche du cafard. Ah oui. Donc là, moi, j'ai cherché à devenir un cafard. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on faisait avant... Ça n'a rien à voir, donc j'étais presque en train d'improviser. Et donc, c'est difficile d'en parler ce soir, parce que pour moi, c'était une représentation différente de d'habitude. Ah oui, des autres Tartuffes que vous avez fait. Alors, il y avait toujours un côté comme ça, monstrueux, mais ouais. Il était placé ailleurs. C'était... Et puis, c'était dans les autres versions qu'on faisait avant. il y avait ce côté-là avec Elmire, au moment de la déclaration, c'était vraiment le côté monstrueux. Mais par contre, il y avait des scènes où Tartuffe redevenait totalement normal, comme par exemple la scène avec Léante. Il avait en fait comme une facette différente pour chaque personnage. Et là, aujourd'hui, le fait de devoir inventer un nouveau corps, une nouvelle façon de faire, ça a fait que bon, bah, je vais travailler, ça va aller plus loin. Mais là, pour l'instant, c'est au tout début du travail. Donc, donc c'est un peu... J'espère que je vais gagner en nuance et en... Voilà, parce que... Ah, c'est... C'est particulier. Bon, c'est un rôle qui est... Bon, un petit peu, je dirais, de type comédie italienne. Hein, oui, ouais, un petit peu, bah, hein. c'est comme ça que ça s'est passé ce soir, oui, voilà. De comédie voilà. dell'arte un peu. Comédie dell'arte. Mais vous jouez d'autres rôles dans les autres pièces? Dans les autres pièces, oui. Dans le Misanthrope, je joue Eliante. Oui. Dans l'École des femmes, je joue Georgette. Oui. Et dans Don Juan, j'ai plusieurs petits rôles. Donc il y a Gusman au début de la pièce, ensuite il y a Mathurine. Et puis je reviens aussi pour faire les serviteurs de Don Juan au quatrième acte. Ah ben, je viendrai vous voir, bien sûr. Alors, ce choix de Tartuffe, c'est vous qui l'avez fait, non. Du rôle. Ah non, pas du tout. En fait, quand on a commencé à travailler, le metteur en scène, il ne connaissait pas du tout. Et il ne savait pas qui était mieux pour jouer quoi. Et donc, il avait du mal à faire une distribution. Il a essayé de faire une distribution, mais il disait, mais moi, je vous connais très peu, donc je ne peux pas savoir lequel va être bien dans quel rôle. Donc, en fait, à force d'avoir essayé, on s'est dit, on va faire un tirage au sort. Ah oui, carrément. On l'a fait une fois au début, et c'est ce tirage au sort qui m'a donné le rôle de Tartuffe. Ah ouais. Bon tirage au sort. Donc. Et alors, la rencontre avec le théâtre de Buisson, ce lieu, vous le connaissiez ? Je le connaissais que de réputation, j'avais vu des photos, mais j'étais jamais venue. Et c'est magnifique. Voilà, on n'avait entendu que des bonnes choses. Tous les comédiens à qui on disait on va venir jouer ici nous disaient oh la chance, ouais. C'est incroyable. Y a même une personne un jour qui m'a dit mais moi c'est mon rêve. La comédie française, l'Odéon, je m'en fous, mon rêve c'est d'aller jouer à Buisson. Alors là je me suis dit oulala, mais on a une grande chance, ça doit être un endroit incroyable. Et quand on est arrivé, bah, ça s'est confirmé. Voilà. Mais c'est vrai que. Molière et Buisson, c'est quasiment l'acte de naissance. Avant Buisson, même avant ici, en 1895, vous n'étiez pas né, même moi non plus. Non. Moi non plus. Et donc en 92, sur la place, ils ont joué Le Malade Imaginaire, sur la place de Buisson, pour le centenaire de la République. Donc c'est la première fois qu'on a eu un Molière avec des gens qui parlaient en patois vosgien d'ailleurs, des paysans. Voilà. En tout cas, ben, merci, et puis on va continuer. Votre prénom, excusez-moi. Judith. Judith, ben oui, c'est vrai. Bravo. Merci. Au sujet du patois vosgien, là, il y avait une performance assez particulière de Volapük, si je peux dire, d'un vocabulaire tout à fait imaginaire que j'ai entendu hier de par un des paysans, Pierrot, qui a beaucoup fait rire les gens. Voilà. Mais Don Juan, je ne l'ai pas monté ce soir, je l'ai vu qu'hier soir, et j'en reparlerai dans 15 jours. Donc là, je vais encore, le temps passant, j'ai encore interrogé une actrice, Chloé. C'est toujours intéressant d'avoir leur vision, puisque au début, en tout cas, j'ai eu plus facilement les acteurs que les spectateurs. C'est un peu différent avec le Misanthrope, où j'ai eu des bonnes réactions, et avec Don Juan également, des réactions très positives. Là, j'avais un petit peu... Bon, ce Tartuffe, mis à part cette excellente interprétation, a un petit peu désorienté les gens. Enfin, en tout cas, sa première exécution. D'accord. Votre parcours, votre prénom d'ailleurs. D'accord. Votre parcours, votre prénom d'ailleurs. Alors, je m'appelle Chloé. Et Chloé. Chloé Giraud. Giraud, d'accord. Et votre parcours théâtral. Eh bien, je suis passée par le conservatoire de Nantes, et puis ensuite le conservatoire de Lyon, pendant 2 années, puis 3 années d'études. Voilà. Après avoir fait un bac littéraire option théâtre au lycée Chevrolier à Angers. Ah d'accord. Alors donc vous découvrez ce lieu ici. Le théâtre de Buisson, oui. Ouais, c'est la première fois que je viens. Et je suis très très contente de découvrir cet espace qui a une âme assez incroyable en fait. On le sent en arrivant tout de suite sur le plateau et dans cette salle, c'est magique, quoi. Alors, votre vécu des différents Molières, moi j'en ai vu qu'un, celui de ce soir, Tartuffe, je viendrai voir les autres. Donc, vous pouvez me raconter un peu comment vous rentrez dans les personnages ? Eh ben, en fait, je ne sais pas si on rentre vraiment dans les personnages, je dirais plutôt qu'on part, on part de nous et de la perception qu'on... Enfin, on connaît les textes par cœur, et on part de nous, en fait. Et on voit ce qu'il arrive quand on dit une phrase, et puis notre partenaire nous répond, et comment ça nous déplace petit à petit, et ça nous transforme pour aller, gentiment mais sûrement, vers l'histoire qu'on raconte tous ensemble, quoi. Alors c'est vrai que bon, le parti pris de parler rapide, qui fait que la pièce se joue à 1h20 au lieu de 2h30, comment vous le vivez ça? C'est difficile quand même comme exercice de style. De parler rapidement? Oui. Il y a des gens qui parlent très très vite dans la vie, il y a des gens qui parlent très très vite avec qui ça pose pas de problème. Mais quand on connaît un texte et qu'il est bien passé à la moulinette du corps, c'est vrai qu'il peut parvenir de manière très rapide. Après, ce qui m'intéresse, c'est de réactiver la pensée là-dedans. C'est comment est-ce que tout en parlant rapidement, on arrive à penser les mots. Ouais, à penser à ce qu'on dit, en fait. C'est quand même ça l'essentiel. C'est vrai, c'est un jeu avec Molière qui effectivement n'est pas banal, quoi. Non, c'est sûr que... Et vous savez, en fait, les rôles sont tirés au sort, m'a dit Judith. Voilà, on a tiré les rôles au sort au début de la création de ces pièces, donc il y a maintenant 5 ans. Ah, 5 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une distribution, je dirais, non-genrée, oui, pour prendre des mots très actuels, mais où, voilà, homme ou femme, enfin, Gwenaëlle part du principe qu'on peut tous tout jouer, en fait. Et que ce ne sont que des mots écrits sur des papiers et que n'importe qui peut s'en emparer, en fait. Enfin voilà, donc là vous allez vivre ça tout le mois. Hein. Oui. Et bonne continuité. Ben, merci. Et voilà. Le public, ma foi, il faut le conquérir quand même. Il faut aller un petit peu le... Oui, c'est lui qui vient, en fait. Oui. Il est déjà conquis. Voilà. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. Bientôt, Chloé. Pris par le temps, je ne pourrais pas vous passer ce soir l'entretien avec Richard Mangou, qui a été découvert qui est un acteur du littoral, qui a bien aimé lui le Tartuffe et qui avait été repéré par Simon Delétang au plateau Ivre, justement, j'en parlais tout à l'heure en début d'émission. Je vais donc le passer une autre fois et je n'aurai pas le temps, bien sûr, j'ai mal mesuré, de parler des rencontres auteurs-amateurs, ni du débat, que j'avais pourtant raccourci, ni de l'hommage à Jacques Ralite, dont je voulais parler un petit peu. Tout ça, ce sera reporté dans un magazine ultérieur, dans 15 jours, notamment, entre autres. Et j'ai quand même envie de vous faire écouter, dans les 15 minutes qui restent, quelques réactions du public par rapport au Misanthrope. Donc je ne passerai pas non plus l'extrait du Misanthrope que j'avais prévu, qui donnait une idée de cette pièce. On va voir un petit peu le final, et là, vous verrez que le public, j'ai enregistré le final du Misanthrope vendredi dernier, il y a 8 jours. Voilà, c'est en ce moment, ça se passe aussi en ce moment, d'accord. Donc voilà, on va voir. Et les réactions à la sortie. Voilà. Tu veux t'exprimer ? Ultra moderne, bien sûr, mais voilà, qui rend bien justice au texte de Molière, bien entendu. Une petite troupe pleine de vivacité, pleine de peps. Ouais, c'est extraordinaire. Ça dure trop peu, en fait. Une heure et demie de spectacle, on en voudrait encore au moins autant. C'est un peu accéléré, de toute façon. C'est un rythme très, très soutenu. Hein. Mais qu'est-ce que ça met la pêche par ces grosses chaleurs ? Ça redonne un petit coup de... Voilà, ça réveille. Eh ben, ça réveille, formidable. Merci de cette opinion. Mais de rien. Voilà déjà une première opinion. Je m'adresse à une autre personne du groupe qui veut s'exprimer sur le... Peut-être. Non, moi non. Ah bon. Lui, c'est... Allez, allez. Parler à Vincent. Allez. C'est obligatoire, hein, ben oui, de parler ben, à Vincent. Voilà, voilà. Non, je vous écoute. Oui, tes impressions. Bah, très, très original. C'est vrai que je ne m'attendais pas à une interprétation comme celle-ci, du moins une mise en scène. Au début, c'est un petit peu déroutant, mais c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Et puis les petites incartades très modernes, justement, rajoutent un petit peu au jeu. Et finalement, c'est intéressant et rafraîchissant, on va dire. Voilà, merci. Alors, oui, un petit peu pour les radios locales des Vosges. Pour les radios locales des Vosges. Radio des Vosges, Radio des Ballons, etc., etc., la coordination. On va se tutoyer, tes impressions ? Ben, des très bonnes impressions, comme je disais à l'instant, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans le coup, mais une fois passé les premiers moments, c'est vrai, bon, c'est peut-être après une dure journée de travail à la chaleur et tout ça, j'étais peut-être pas dans les conditions idéales, mais une fois passé les 5 premières minutes, j'ai vraiment bien accroché, j'ai vraiment bien apprécié le spectacle, ouais, tout à fait. La qualité du jeu, la mise en scène, tout, franchement, ça, les costumes tout particulièrement. Les costumes, justement. Ouais. Bien. Le groupe là, bon, c'est simplement impression à la sortie de scène. Hein. Ça vous a plu ? Bah, Molière, ça plaît toujours, et ici encore plus. Ah oui. Voilà. Bah, c'est vrai que moi, ça fait au moins 40 ans que j'avais pu écouter ce texte. Ah bah aussi, nous on l'étudie aussi, donc voilà. Puis j'aime bien le théâtre, donc c'est familier quand même. Bah, voilà. Et vous ça vous a plu, plu ? Ah bah moi ça m'a beaucoup plu. En plus je connaissais pas du tout, donc voilà. C'est une première. Vous connaissez pas Misanthrope ? Non, du tout. Voilà. Donc voilà, c'est une première. Ah, en plus. Oui, moi je l'ai étudié à l'école, mais bon. Et vous, monsieur, dont je tirais le nom d'ailleurs, vous voyez ? Dans une impression, bah, voilà. Homme texte, de texte classique, mais ô combien d'actualité, comme Rob l'a précisé. Voilà. Oui. Trois quarts d'heure. Cracher dans un puits pour faire des ronds. Ça, c'était pas dans le texte de Molière, mais ça a été rajouté. Et avec le côté un peu rap, quoi, slam, quoi, punk. Oui, c'est ça qui a. Trois quarts d'heure dans un puits, c'est. Trois quarts d'heure. Ouais, très bien. Trois quarts d'heure à poser des questions aussi. Voilà. Merci. Et on va finir par notre entretien, j'espère qu'on pourra l'entendre, en tout cas en partie. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça extrêmement novateur, audacieux, je sais pas, j'ai trouvé que ça extra. Je sais pas si c'est novateur ou audacieux, mais oui, c'est audacieux. Enfin, c'est dans une résonance où on a envie, on réécoute le texte autrement. Ouais. Ça permet de se réapproprier le texte, on le réentend, et on fait un tout petit peu de théâtre amateur à deux balles avec ma fille, enfin, pas vous, mais nous, oui. À deux balles. Vous faites du théâtre amateur aussi ? Ouais. Oui, d'accord. Professionnel, peut-être ? Non, non. Amateur, dans quelle région ? Pas de balles. Paris. Et vous, peut-être amateur à Paris aussi ? Oui, on est de la même famille. Moi, je le fais avec ma fille et ma femme le fait avec. Ah oui, d'accord. Fils. Ah oui. Mais pas au même niveau. Et je trouve que le fait qu'on a déjà joué des petits bouts de cette pièce, qu'on en a lu des morceaux, c'est vrai que en voyant ça, on se réapproprie le texte, ça le remodernise, ça nous rappelle qu'il est tout aussi moderne qu'avant, et que cette liberté, cette folie qu'avait ce gars-là, bah, on la retrouve en voyant c'est ça. C'est Molière. Molière. Non mais, moi il a raison, je trouve. La raison, c'est ça nous remet du Molière au temps présent, avec en plus c'est péchu, ça nous permet de voir que ça n'a pas vieilli. Ouais. Ouais, même que c'est encore dans l'air du temps, plus que ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire que moi, je sais, gamin, j'avais vu Le Bourgeois Gentilhomme en jean et j'avais trouvé que c'était vachement bien d'enlever les perruques et de nous rappeler que ça fonctionnait dans le. Là, entre les principes de rap ou slam moments, voilà, quand il y a le slam, ou quand ils font des blagues, ou quand même à la rigueur, ils balancent son numéro de portable, ou qu'il arrive avec des biscuits en train de manger en disant bon, c'est ça va, mais lâche-moi un peu, ça me passe au-dessus. Et quand il prend la boîte de gâteau, il n'y a plus de gâteau. Et qui nous sort une tirade qui est complètement calée avec les gâteaux, moi je trouve que ça marche très très bien. Il y a une forme de quotidienneté. Oui, c'est ça. Et le plaisir du jeu à tous les sens du terme. Par exemple, le fait d'avoir distribué les rôles au hasard et d'avoir fait avec, je trouve que c'est ludique et c'est, pour moi, c'est plus proche de l'esprit de Molière que certaines représentations qui cherchent mise en scène, interprétation qui chercheraient à être plus proche. Excuse-moi, je te fais. Et vous avez vu les autres ? Allez-y. Pardon. À mon avis, en fait, c'est la même liberté que quand Molière y jouait avant avec sa troupe. bah, ils avaient une liberté qui était que, bah, comme c'était leur texte, bah, ils pouvaient improviser. Et là, comme ils l'ont remis à l'air du temps, bah, c'était un peu différent. C'était pas, ils suivaient pas complètement le texte, ils rajoutaient des choses pour que tout le monde puisse voir que c'est pareil maintenant. Moi, ça me choque pas qu'ils aient ajouté des choses, qu'ils aient fait entendre des jeux de mots ou qu'ils aient ajouté des jeux de mots. Il y avait des choses chez Molière, ce genre, le petit chat est mort, c'était une blague de cul, hein, faut pas non plus... Et, donc, et là, il est, voilà, connaître, je sais plus ce que c'est, nul ne peut vous doiter, non, vous tâter, vous hâter. Ils ont osé, et moi, je trouve ça top. Et puis, on se rappelle, Molière, c'était quand même le gars qui faisait des farces et qui rêvait de faire du drame, alors que c'était pas son truc, et que ça, ce qu'il aimait, c'était il était bon là-dedans. Donc on imagine à quel point ça devait être délirant, parce qu'il écrivait d'un côté, il savait qu'il avait la facilité de l'écrire parce qu'il y avait certaines pièces qu'il écrivait très rapidement, et en plus il les jouait, donc et c'est le jeu à tout prix, quoi. Oui. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a toutes ces blagues, il y a toutes ces farces, tous ces moments où ils nous font rire, et en même temps on perd pas le fil. Sauf peut-être, on perd pas le fil peut-être à quelques moments, mais on perd quand même pas le fil, on suit l'histoire. Même si j'ai remarqué à quelques moments j'étais plus du côté des blagues et j'étais moins dans l'histoire. Oui, oui. Mais on tient le fil tout en ayant aussi tous ces moments de blagues qui nous font rire. Alors j'ai quand même un reproche à faire. Oui, moi. Allez-y. C'est on les entendait pas toujours. Le fait que ce soit ouvert derrière, cet après-midi on entendait très bien et c'était fermé. Donc je pense que c'est pas les comédiens qui sont en jeu. Ils sont suffisamment bons pour soutenir, etc. Pourquoi avoir ouvert alors qu'on ne se sert absolument pas de ce décor? Ils auraient utilisé d'une façon ou d'une autre, mais là. C'était pas utile et du coup on perdait énormément alors qu'ils étaient dans une performance au niveau des secondes où on était, à côté. Ce que disait ma femme tout à l'heure, c'est que ça se passe à l'intérieur. Donc il n'y a encore pas de raison d'avoir une fenêtre sur l'extérieur. Alors ça, oui, c'est... Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on a du temps de l'oreille, et même à des moments où Alceste commence à rentrer, c'est très doux. On est obligé de tendre énormément l'oreille, alors que ça aurait été fermé, on entendait le son aurait rebondi sur les murs. Oui, et encore le fait que ce soit ouvert, si ça avait servi, il y aurait peut-être eu une raison, mais là ça. Raison mythique. Peut-être raison. Oui, mais dans ces cas-là, ils trouvaient le moyen d'ouvrir à un moment ou à un autre pour montrer le paysage. Mais voilà, c'est pas une raison de théâtre, ça. C'est pas une raison. Dans la pièce de cet après-midi, il a été ouvert rarement à quelques moments, et c'était utile, et on comprenait pourquoi. C'était un événement. Là, c'était banal. Non, on n'a pas fini, arrêtez de vouloir appuyer sur le bouton. Ça y est, ils ont encore des choses à dire. C'est tombé sur les plus bavards. Ah, mais tant mieux, tant mieux. Alors, pour tout vous dire, je donne ceci à la coordination des radios libres des Vosges. Il y a une radio à Remiremont, puis d'autres, il y a 7 ou 8. Alors, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils taillent dedans, Ils taillent dedans. Moi-même, je passe tout dans une émission de 2 ou 3 heures, mais les autres taillent. Je passe aussi à la direction, je fais partie de l'association du théâtre, donc je le passe aussi pour le site éventuel, qui peut utiliser les avis, ou pour la gazette du théâtre, où on aura des échos. Bon, on prendra évidemment pas forcément que les favorables, voilà. Voilà. Oui, mais nous, c'était un choix de pas... Non, c'est pas la peine d'enregistrer. Parlons de Littoral. Personnellement, moi, je l'ai vu 3 fois, donc je la connais très bien. Alors, est-ce que vous l'avez aimé ? Je l'ai vu 3 fois, c'est pour ça. Oui. Dans les deux parties, j'ai trouvé que les deux parties, avant et après l'entracte, étaient très séparées. J'ai pas vraiment vu de lien entre les deux, même si c'est le même texte. Et j'ai bien préféré la première partie à la deuxième. Déjà dans le texte, j'ai trouvé la première partie très drôle, dynamique et tout, et la deuxième, qui était plus sur le modèle du conte, qui voulait donner un message, et ça m'intéresse moins. Enfin, quand je vais au théâtre et qu'on me donne... Enfin, j'ai l'impression qu'on me dit ce que je dois penser, ça m'énerve. D'accord. Alors que j'ai juste envie que je suis là pour qu'on me raconte une histoire. Et dans la première partie, par contre, dans le jeu des acteurs, j'en ai certains que j'ai trouvé très bons, et d'autres moins bons, donc c'était un peu... inégal, et pas du tout dû au fait qu'il y ait des professionnels et des amateurs, parce qu'il y a un amateur que j'ai trouvé excellent, l'acteur qui joue le père, vieux, j'ai trouvé excellent, et il est amateur, et j'ai trouvé Wilfried excellent aussi, très, et encore meilleur dans la deuxième partie, mais il y a certains acteurs que j'ai trouvé très faibles par rapport aux autres, et donc ça a un peu desservi le texte. Ouais. Mais je pense que aussi c'est le principe du festival, c'est-à-dire que quand on mélange des amateurs avec des professionnels, il y a obligatoirement des écarts. Moi, c'est vrai que la première partie, je suis assez d'accord avec mon fils, on rentre dans une histoire et c'est très rythmé, c'est drôle, en plus ça parle de la mort avec une forme de sourire. Et la deuxième partie, moi je me suis ennuyé parce que ça tourne en rond. et comme un conte. Non mais c'est non, mais à tout niveau quoi, ça tourne en rond. C'est-à-dire que visuellement ça tourne en rond, mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on va chercher une nouvelle personne, on la remet, on nous met un cadre derrière, on change un peu le décor, hop, on tourne en rond avec une personne de plus. Et aussi, peut-être, mais alors peut-être que le texte m'a... J'ai trouvé que, je sais pas, si le texte était comme ça et que la mise en scène est comme ça, etc., c'est-à-dire que ça ne sert pas le texte, quoi. On n'est pas en décalage et ça crée pas de déséquilibre. C'est-à-dire que parce que ça tourne en rond, et ben on nous montre que ça tourne en rond. Moi, j'aurais bien voulu qu'on m'étonne ailleurs. En tout cas, je me suis un peu ennuyé parce que ça tournait en rond. Et cette deuxième partie que j'ai trouvée plus lente, alors que la première était très rythmée, ce passage entre le moment où Wilfried parle au juge et les moments où il raconte ses anecdotes était super rythmé, super bien fait. Et le texte est plus rythmé aussi. Du point de vue de la scénographie et de la mise en scène, c'était vraiment bien. Et la deuxième partie, même la mise en scène, j'ai trouvé ça, le fait qu'il tourne en rond et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre, parfois ça a marché, parfois beaucoup moins, je trouve. Ouais, ouais. Donc c'était et même quand on a le grand tissu là avec Jésus-Christ, moi je comprends pas pourquoi il y a le Christ. Ah oui, pour moi c'est complètement Ah bon, bah vas-y. Je crois que c'est le Christ de Mantegna, il me semble. Je sais pas si c'est Mantegna. Oui. Bah moi je suis d'accord avec mon frère. Je trouvais que la première partie était plus intéressante que la deuxième parce qu'au bout d'un moment on décrochait dans la deuxième. On revenait toujours parce que pour savoir la suite quoi, mais il y avait des moments où on était un peu perdu. Après dans la première partie, moi j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, même s'il y en a quelques-uns qui étaient plus faibles que d'autres. Ça m'a un peu énervé parce que mon frère il avait travaillé une partie du Chevalier Guéromélan et il y avait un bout du texte dont on avait besoin. Oui. Qui a été coupé. La scène de la morgue. Vous l'aviez travaillé dans le texte de la scène de la morgue. Ah bon. Avec le chevalier Guéromélan. Et il y a un bout qui a été coupé qui pour moi était important. Comment tu peux m'aider puisque tu n'existes pas? Mais j'existe puisque j'existe. En fait, c'est pas le texte exact. Mais, hein. Mais c'était des choses super importantes. Il me semble avoir connu ce texte. C'était coupé et j'ai pas bien compris pourquoi. Ah bon. Je sais pas si d'autres parties de la pièce ont été coupées parce que je la connais pas bien. Ah d'accord. Et à la toute fin, je ne sais pas aussi si c'est écrit ou pas dans la pièce, mais l'acteur du père descend dans la mer, ça marche très bien pour la fin, et je n'ai pas compris l'utilité de la mère qui revient. La mère qui revient, qui vient chercher les deux. C'est un peu. Moi, je trouve que quand il a fini comme ça dans la mer, tout était dit. Ça suffit. C'est la Scali 2, ouais, je dis moi. Je sais pas. Ou si c'est. Tu as trouvé ça en trop. Si c'est la mise en scène, pour montrer que ça finit. J'aurais dû se finir sur la belle image du père qui descend, mais il y a eu le truc à la fin pour dire que tout va bien, tout est beau. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que globalement, c'est pas la même tonalité du tout, la première et la deuxième partie. La deuxième est très didactique. Est un peu lourde, mais déjà dans l'écriture, j'ai la pièce et ça m'a conforté dans cette idée. Donc voilà, on n'a pas adhéré par rapport à l'image du Christ. Bien. Ce que je disais tout à l'heure, je comprends pas pourquoi ce Christ est là, pourquoi le Christ plutôt qu'autre chose. Je vois pas le lien avec la pièce. En revanche, ce que moi j'ai trouvé très très beau, c'est que l'image qui vient derrière vient s'éclairer dans les coins. Oui. En fait, un grand drapé. Je ne comprends pas ce qu'il y a sur le drapé, mais peu importe. Ouais. Et que ça vient se soulever comme ça avec des éclairages et juste des petits morceaux. Ça, c'était beau. Et ça, je trouve que c'est très joli. Ouais, et même un peu ces conteurs dans la première partie, justement, ces gens qui sont complètement fixes, qui ne bougent pas et qui viennent comme ça dire raconter, compter ce qui va se passer dans leur tête, en vrai, en faux, etc. Même quand on a les trois âges différents, le mort, le jeune, ils sont tous là en train de s'entrecroiser sans vraiment bouger. Je trouve que c'est très, très beau. Bien. Oui. Dernière chose qui ne m'occupe pas. C'est une question, je ne sais pas si c'est dans le texte ou pas, mais au tout début, tous les acteurs sont alignés et chantent. Oui, chantent. J'avoue que moi j'ai vu pas mal de pièces cette année et je vois ça souvent, des acteurs qui chantent et qui savent pas. Ça a un lien, mais pas très fort avec la pièce, et je me demande. C'est long. Ah bon. C'est long et. 10 secondes, ça suffisait. Ça durait une minute et demie. Ça démarre en plus. Truc qui n'est pas nouveau, quoi. Enfin, on voit ça partout. C'est vraiment à la mode, quoi. J'ai vu ça à la colline, à l'Odéon. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans une histoire. On ne sait pas ce qu'on voit, et on voit déjà 14 personnes qui tiennent. Quelques minutes suffisaient, c'était très long. Moi j'ai trouvé par contre que la chanteuse qui jouait le rôle de Simone avait vraiment une puissance vocale extraordinaire. Oui, c'est vrai. Ça, c'était beau. Ouais. C'était très beau. Non, mais il y avait plein de bonnes choses et pourtant, oui, c'est vrai quand on... Beaucoup d'énergie. À la fin de la deuxième partie, à chaud, on n'était pas... maintenant, en y repensant, il y avait beaucoup de belles choses. Alors, j'étais très ravi à la sortie, enfin, à l'entracte. À l'entracte. Après, moi aussi, super, à l'entracte, je me suis dit, la deuxième partie va tabasser. Et je me suis essoufflé. Ouais. Ça tournait en rond, pour revenir à ça. Non, mais c'est elle, ça tourne en rond. Ouais. Bah, écoutez, voilà, vous avez une analyse très... très familiale. Très bien intéressante, la pièce. Ouais. C'est tout à fait. C'est toujours nous, Non, mais c'est très bien. Alors voilà. Bon. Merci beaucoup. Hein. Et bonne continuation théâtrale. Comme si tu savais pas redire des trucs. Au moment où il leur a. Tu vas le redire. C'est capable de tout redire. Tu vas le dire différemment. Je n'enregistrerai pas plus. Non, non, mais parce que je vous avais. Non, mais ce que vous avez dit était très bien. Mais pourquoi? Pourquoi tu trouvais ça bien? D'accord. J'ai pas compris la partie, là, t'as dit le truc avec la guerre et machin. Non, je vais dire autre chose déjà, parce qu'il y a autre chose que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé tout ce qui était des jeux avec le code du théâtre, et j'ai trouvé qu'on les perdait un peu dans la deuxième partie. Dans la première partie, par exemple, cette conversation entre, bon, il faut se décider, on est dans l'appartement, là, ou on est dans le salon funèbre. Et ils sont pas tous d'accord. C'est vraiment une réflexion sur l'espace et les codes du théâtre, et voilà, les codes de jeu. On est dans tel espace parce qu'on nous le dit et parce que les comédiens veulent nous y faire croire. Et il y a aussi quelques codes de jeu comme ça qui sont mis en question, qui sont malmenés à la deuxième partie, sauf qu'ils sont entrés dans une tonalité tellement autre qu'on les perd. Je ne sais plus, Elia, on en avait parlé tout à l'heure, dans la deuxième partie, il restait quelque chose. Je trouve qu'il y a un décalage. Et le moment où il parle de Dieu. Tout le jeu où il dit mais on parle devant personne, mais si, faisons comme s'il y avait des gens devant nous. Tout ça, c'est des jeux avec les codes du théâtre. Et puis, il casse le quatrième mur, mais il le casse derrière aussi. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas... on l'entend plus assez dans la deuxième partie parce qu'on est rentré dans la tonalité un peu mélo et c'est dommage parce que ça y est peut-être encore. Voilà. Et sinon, voilà, ce que je disais, j'essaie de leur dire quand même, mais c'est que ce qui me paraît très intéressant dans la pièce, et c'est lié avec cette histoire de code de jeu et du théâtre, c'est cette recherche de comment dire et toute la question, il faut avoir enterré ses morts pour pouvoir chercher des moyens de raconter cette histoire terrible, celle de la guerre, celle du Liban. Et on voit quand même un auteur en train de se débattre avec le comment raconter cette histoire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette pièce. Alors, ça n'a pas toujours été servi de façon égale, mais c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais, je sais plus que... tu parlais aussi du fait qu'il y avait ceux qui avaient... Oui. Effectivement, Wajdi Mouawad, il a passé sa vie au Canada et y a le personnage de Wilfried à un moment dit quelque chose d'assez gonflé, je les envie d'avoir vécu la mort, alors qu'on vient de nous raconter les atrocités qu'ils ont vécues. Et je pense que là, il parle de quelque chose qui est les exilés, les enfants d'exilés de pays en guerre... porte un poids assez terrible parce que c'est une histoire qui leur appartient mais qui ne leur appartient pas en même temps. Ils n'étaient pas là. Alors sont-ils légitimes pour en parler et comment trouver le moyen d'en parler donc c'est aussi une des grandes questions qui était agitée dans cette pièce. Voilà, avant de s'en servir. Mais voilà, encore une fois qu'on a compris le principe qui est... Il faut d'abord enterrer ses morts pour pouvoir se reconstruire. Et puis tous ces personnages qui représentent un peu les différentes aussi factions qui se sont battues au Liban, etc. Quand on l'a compris, j'ai quand même l'impression qu'on nous le martèle à longueur de deuxième partie et que c'est trop dilué et que c'est trop long et que ça aurait vraiment mérité, mais déjà dans le texte, à être ramassé pour être aussi percutant que la première partie. Voilà, j'ai tout dit. Je dis merci. Merci encore. En fait, j'ai continué avec ces personnes un autre entretien que je vous redonnerai ultérieurement. C'est dommage, j'ai pas eu le temps ce soir. J'ai même dépassé un petit peu mon temps. On a continué, et notamment un débat avec Jean-Noël Delétang. Je dis carré, il nous a appris que le tableau était de Philippe de Champaigne. En fait, c'est un tableau français, le tableau du Christ. Voilà. Mais on reverra tout ça bientôt, et j'en dis pas plus, je mets même pas d'indicatif de fin. J'ai dépassé mon temps, et je vous laisse la suite des émissions de Gameozo. Et je pense que ça se rattrapera pour la rediffuse mercredi, parce que là, j'ai un petit peu patiné à un moment donné et rediffusé deux fois. Enfin, j'ai patiné un petit peu dans la technique. Voilà, excusez-moi et bonne nuit. Et surtout, allez voir les Molières. Il n'y a plus que... Bah, ça s'arrête le 18. Et allez voir le littoral, de toute façon. Vous avez vu toutes les analyses. Et c'est un phénomène qu'il faut ne pas rater à Bussan. Toute cette énergie de pièces qui vibre là-bas, dans ce grand vaisseau de bois. Bonne nuit.